Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui, oui. Bonjour, oh là, bonsoir, là, là, là. Bah bien sûr. Bien, non, génial. Non, non, mais non. Donc, calme-toi. Quelque chose à redire déjà. Non, mais. Non, mais ton agressivité en fait court. Fatigue tout le monde. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Ça va bien. Et il neige aujourd'hui, donc ça c'est bien. J'aime bien. D'entrée. Non, mais il y a le droit de faire des stories de oui, la neige, voilà. Ok hein, les gens qui. Il y a le droit. Est-ce qu'on a tant de raisons de se réjouir en ce moment, non? Donc voilà, oui, on fait vrai. Des stories de la neige et on est content. C'est vrai que des gens, il y a des gens qui sont un peu preuve d'ironie en disant c'est la story de la neige et tout. Ouais. Et bah c'est génial, c'est génial. C'est Gérard Junial. C'est Gérard Junial. C'est pas triste. Ah, il y a beaucoup de jeux de mots ici, je préfère te prévenir. Oui, oui, je sais. Tu je es sais. En terrain conquis, ok, très je bien. Sais, je sais. Je serais bien. C'est décevant qu'elles tiennent pas par contre. Ah, ça, me parle pas, me lance pas sur le sujet, pardon, Maxence, je suis à deux doigts de chialer. C'est la deuxième story en général. Ouais, elle est géniale, mais elle tient pas. Bah, moi, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes, je trouve. Parce que j'aime bien l'avoir tombé, mais marcher dedans, c'est relou, quoi. Ah oui, non, je suis pas d'accord. Ta gueule. Okay. Oh, j'ai mérité, il a raison. Quelque part, il a raison. Mais en plus, c'est pas vrai, moi, je trouve qu'elle tient parfois. À Paris, moins. À Paris, moins, mais quand même, ouais, bon. Mais aujourd'hui, non, en tout cas. Mais moi, marcher dans la neige, c'est un bonheur. Non, mais c'est un bonheur, mais bon. Je croche, ça fait des petits bruits sympas. Oui, c'est marrant, deux minutes, quoi. Quand tu dois faire un long trajet, c'est moins bien. Notre première invitée, c'est sa première fois dans le podcast. Elle est autrice, compositrice, interprète et elle vient de sortir son nouveau single. On pourrait définir ce qu'elle fait par de la pop jolie et poétique, mais en même temps, dit comme ça, on a l'impression que c'est chiant de ouf, alors que pas du tout, d'autant qu'en concert, elle est à deux doigts de se déboîter la clavicule et la laisser sur scène. C'est très impressionnant sur scène. J'ai vu un live chez Bâtiment... Oui, Bâtiment B. D'Oxmo... Le Bâtiment d'Oxmo Puccino, oui, pour moi, oui, je sais oui. pas, je sais plus le numéro. Incroyable le live. Oh, j'invite merci. Les gens à aller voir. J'ai pas eu la chance de le voir sur scène, mais allez-y. N'hésitez pas parce que vous pourrez la voir partout en France puisqu'elle sera en concert à Tours le 29 novembre, à Angoulême le 30, à Bordeaux. Alors là, d'un coup, on prend 8 mois dans la gueule. Hein. Le 7 mars 2025, à Toulouse, à Nîmes et à l'Olympia, le 15 avril 2025. Oui. Allez checker les dates sur son Instagram Yoa Music. C'est Yoa. Bravo. Oh, merci. Merci. On applaudit les autres. C'est gentil. Il a même fait un ouais. Oh, ouais, merci, ouais. Maxence. Mais je suis trop enthousiaste, je suis trop content. Mais c'est grâce à lui que je suis ici. Mais bien sûr. C'est lui qui m'a proposé. Connecteur de gens, c'est comme ça qu'il est. Ouais. C'est ma bio. Et il reste humble sur le sujet. Alors notre second. Bah, du coup, la présentation est faite. Connecteur de gens. pas besoin de dire c'est autre Maxence. Chose. Bon, j'ai quand même un peu de choses à dire parce que notre second invité, lui, c'est pas sa première fois. En plus, sa carrière de comédien, on a pu le voir d'ailleurs dans Panda sur TF1 il y a pas très longtemps. La prochaine saison. La 2 qui sortirait je ne sais quand. Bien sûr, mais c'est tourné. Oui, c'est tourné, voilà, c'est monté. C'est mixé, c'est étalonné. Oh, tu connais tous les termes masterisé. Du excuse-moi, tu connais tous les termes du cinoche et de la télé. Je suis dans le cinoche, ça y est. Je suis en place. Il est aussi auteur, compositeur, interprète et lui aussi, il vient de sortir un single Seul dans ta chambre, alors seul avec un S hein, sinon c'est glauque. Son nouvel EP Comme un enfant est dispo partout en streaming et il sera lui aussi en concert dans toute la France, lui aussi à Bordeaux, lui aussi à Toulouse, lui aussi à Nîmes et pour finir à Paris également au Trianon le 12 avril et d'ailleurs c'est marrant, vos deux tournées sont pas loin. Oui. Ouais, on a fait exprès. Ouais. Oui. Elles sont mitoyennes exactement. Je crois que c'est à Bordeaux où c'est vraiment genre un jour et le lendemain, vous c'est jouez vrai c'est sur non. le même week-end, ah bah un truc oui. comme ça. Comme pas nous avec Garou, non, c'était Garou, non c'était... Non, quand on avait fait la tournée du podcast, oui, c'est vrai, c'est vrai. On était à Bordeaux, il y avait Garou la veille, et après on était allé à Lyon. Ouais, non, il y avait quoi, Garou. Il y avait Garou. Cela dit, nous, la différence, c'est que Garou nous recherchait. On doit 100 balles à Garou. Ouais. C'est Adrien a volé de la thune à Garou. Ouais. Donc si vous le voyez entouré d'étoiles et de planètes, c'est normal, c'est parce qu'il a un petit univers bien à lui. C'est Maxence Lapérouse. Bravo Maxence. Je m'auto-applaudis, pardon. Mais t'as bien raison, comment ça va Maxence? Je suis très content d'être là. Ça fait trop plaisir de te voir. Oh bah c'est adorable. Bah si, mais si, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on t'a pas reçu. C'est vrai, c'est vrai. Et là, beaucoup trop. Ah, comment? Beaucoup trop. Une critique Alors comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. Donc c'est voilà des petites news sur le monde insolite, voilà, c'est un petit peu sympa, ça se picore. On les utilise régulièrement sur internet et ailleurs. Certains les connaissent par cœur, c'est un peu une énigme du perforat. Oui, un peu pour l'instant. Ouais. Certains les Attends, connaissent pose par cœur. Pose ces clés, s'il te plaît, parce que t'es à deux doigts de les jeter dans l'eau. Mais je me suis même pas rendu compte que ça rimait. Et ben, je le fais en perforat. On les utilise régulièrement sur internet et ailleurs. Certains les connaissent par cœur et pourtant, ils vont bientôt disparaître. Qui sont-ils? Oh. Quoi? Alors attends. Ouais. Tu peux le redire? En fait, ouais, c'est perturbant quand tu. Ouais, je comprends. Je suis fatigué. T'as envie de courir dans un fort. Ouais. On les utilise régulièrement sur Internet et ailleurs, mais c'est souvent sur Internet qu'on les utilise, mais ça peut arriver de les utiliser à d'autres occasions. Après, on comprend le sens des phrases quand même. Hein, c'est pas... T'as l'air très fatigué, hein, j'ai envie de te prendre par la main. Certains les connaissent par cœur, mais pourtant, ils vont bientôt disparaître. Je veux savoir de quoi on parle. Les mèmes de mais Uniat. Mais vous non. êtes intellectuels ici. Vous êtes des grands intellectuels. Moi, je peux pas. C'est vrai, vous allez. Moi, j'ai pas du tout compris quand ça a commencé. Vous allez, ah, vous allez tellement alors vite. Ça a commencé, et je suis tellement. Oui, et je parle très lentement. J'ai vraiment de tension. Il n'y a aucun moi. Problème. Attends, nous, on peut les gens s'adaptent. Voilà, on peut absolument s'adapter. Ah, super. Donc, je vais te redire très lentement. Merci. Mettez en 1,5, je crois qu'on peut. Oui. Remettre en 0,5. Ce qu'on cherche, c'est des trucs qu'on utilise régulièrement sur Internet. Non, il va le refaire. Et certains les connaissent par cœur. Et je vous demande ce qu'on cherche. Ce qui va disparaître. Ça va bien, ça va peut-être disparaître. Alors, est-ce que c'est du texte? C'est pas du texte. En fait, tu peux poser plein de questions, évidemment. Oui. C'est pas les émoticônes? Ce ne sont pas les émoticônes ou emojis. Oui, parce qu'émoticônes. Non, mais justement. C'est ceux des mécènes. Non. Peut-être qu'on n'aura plus le droit de mettre deux points et parenthèses fermées. Enfin, moi, je les utilise encore, ceux-là. Ah ouais. Les émoticônes. Moi, de temps en temps, les connaissent, c'est ça. Je comprends pas. Les cookies, là. Ah, alors, pas les cookies. Pas les cookies. Mais Perse, tout le monde connaît les cookies. Alors, quand je dis les connaissent, c'est vraiment être capable de les réciter. C'est des trucs, oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, par exemple, j'en suis incapable quand tu auras la réponse. Peut-être que toi, tu les connais. Connais par cœur. Est-ce que c'est pas des paroles de chansons? Ce ne sont pas des paroles de chansons. Non. T'as dit que c'est dans la vraie vie aussi? Oui, aussi. Mais moins. Est-ce que c'est un truc qui est un peu issu de la culture internet? Non, pas du tout. C'est un truc qui est sur un objet. Sur un objet? Sur un objet de la vie de tous les jours que je pense vous avez tous autour de la table. Un verre? Non. Tu es en train de regarder autour de toi, Yoann. Oui. Un micro. Un chauve? Oui, non. Là. Un gros nez? Non, mais c'est pas du. Mais c'est du texte. C'est du. Enfin. Bah, c'est pas des. Attends, non, c'est des trucs qui sont sur un objet. C'est pas des lettres. Ah, c'est des numéros. Ah, c'est des les annuaires. Pas les annuaires, mais c'est des chiffres. Les pages. Attends. C'est les digicodes. Chiffres, attends. Pas les digicodes. C'est pas des numéros de téléphone. C'est pas des numéros de téléphone. C'est des choses qui sont sur un objet que vous utilisez tous les jours. Des numéros qui sont autour numéros de la série. Table. Est-ce que c'est sur le téléphone? Des touches. Pas les touches. C'est sur le téléphone. Pas sur le téléphone. Sur l'ordinateur. Pas sur l'ordinateur. Sur. Tout fait. Vous comptez. Attends, c'est des chiffres. Tous les objets où il y avait des chiffres. Des chiffres qui sont présents sur un objet. Ouais. De la vous utilisez dans la vie de tous les jours. C'est pas le téléphone. Des fois ils sont en 2D, des fois ils sont en 3D, ça dépend de chez les qui vous êtes. Cryptogramme sur la carte bleue. Non. Ah oh. Non. Bah numéro de carte bleue. Ah mais bleue oui, ah mais bah, j'ai vu vrai. Ça. Oui. Non mais oui, bah, c'est donc, vrai. Pour moi t'as le point. Ouais. Oh, c'est merci. C'est les numéros qu'il y a sur quoi la carte bleue. Oui. Eh oui. Pourquoi un tel changement? Mais comment vas-y, dis-moi, parce que là je suis perdu, du coup. Pourquoi comment on va faire pour payer? Pourquoi un tel changement? Eh bien, l'absence de numéros sur la carte bleue a pour objectif de simplifier les achats sur Internet. À l'avenir, nous ne devrons plus renseigner tous ces chiffres, il suffira de donner votre adresse mail et le numéro ou et le numéro de téléphone lié à votre carte bancaire, et vous recevrez ensuite une notification sur l'appli de votre banque, de votre smartphone. Vous c'est savez, le fameux CertiCode. CertiCode selon votre banque. Ah ouais, mais. En fait, ouais. Tout devient Apple Pay. Tu vois, Apple Pay, tu mets pas ton numéro quand tu mets ton téléphone. Ok. Eh bien, tout va devenir sans compte. Enfin, Apple Pay. Du coup, quoi. Tu te fais pirater ton adresse mail et c'est terminé, vraiment dans la merde, quoi. C'est terminé. C'est ça. Eux ont tendance à dire que c'est plutôt. Sécure. Sécure, justement. Cette nouvelle mesure a pour but de sécuriser le processus et de lutter contre le piratage, car selon France Info, la fraude est 7 fois plus importante sur Internet que dans un magasin physique, bien qu'il existe des escrocs pouvant vous voler de l'argent juste en passant à côté de vous. Ça, on sait, merci. Comme nous n'avons plus de numéro sur votre carte, le risque de piratage sera réduit. Ouais, mais alors attends. Moi, il y a un truc. Non, mais tu sais, les arnaques par téléphone, les gens qui disent oui, c'est l'assurance, machin et tout. Ils ont toujours cette voix d'ailleurs, c'est marrant. Toujours. C'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs, c'est une petite astuce. Non, mais genre, jusqu'à présent, quand ils voulaient arnaquer les gens, ils disaient ouais, donnez votre numéro de carte bleue et machin. Ouais. Et là, c'est toujours un peu suspect quand on demande ton numéro de carte bleue. Oui. Tu dis ouais, je me fais arnaquer. Ouais. Alors que là, ils te disent donnez-moi votre mail. Ils ont déjà ton numéro. Oui, mais le mot de passe. Oui, mais ils vont te dire. Alors là, vous avez dû recevoir un code. Ouais. Donnez-le-moi. Bam. 5000 balles. Là, pareil. Moi, je trouve que quand on te demande ton mot de passe, c'est pareil, très suspect. Ils ne demandent pas de mot de passe. C'est pas un mot de passe. C'est un code qui va être envoyé par mail ou par. 4500 balles, peut-être. 5000. Ah ouais, vraiment. Okay. Non, mais en plus, pour les vieux, vu que c'est un truc nouveau. Ah bah oui. Ils vont dire oui, bah ils seront même pas au courant qu'on peut payer. Pour amis, on les pousse vers la sortie. Vous avez vu ce truc Trump? J'ai raison, hein, je précise. On a vu. Oui, voilà. Conclusion. Vous allez sur Facebook? Ah non. Non, j'y vais pas. Oh là là. Ah là, là. Il y a des nouveaux pièges à vieux. Désolé. Ah ouais. Hein. J'ai essayé de briefer un peu ma maman là récemment. ils mettent des photos style. Moi, quand je travaille dans mon champ, personne n'est là pour me féliciter, des trucs comme ça, avec des cultures folles. Et des fois, c'est des enfants, ou des fois, c'est des sculptures. Ouais, des enfants qui travaillent, tu sais, plein de terre. Okay. Ou alors, c'est des gens, regardez ce que ce papy a fait pour son petit-fils, une création en bois, mais tellement peu réaliste. Okay. Donc, faites en IA. Ouais. Et en fait, c'est pour que les petits vieux et les petites vieilles, ils commentent, bravo, vous êtes trop fortes. Et ensuite, t'as les brouteurs qui sont passés pour des gens qui disent... Qui du coup cherche les gens crédules. Ah oui, d'accord. C'est horrible. Et du coup les contacts pour les arnaquer ensuite. C'est un détecteur de personnes crédules. Exactement. En fait. c'est une nouvelle mafia là sur Facebook, donc faites attention. Je sais que les auditeurs. Ah bah ils vieillissent de plus en plus, nous, hein, c'est terrible. Hein. Ouais, ouais, là ils sont. Grave sur Facebook. Nous on a beaucoup de yeux là, c'est terminé. Hein. Voilà, c'est une petite alerte. Putain, c'était ma petite chronique. Merci Maxence. Ça, c'était la chronique de Maxence qui briefe nos vieux. Ouais. Et merci de briefer nos vieux. Maxence briefe les vieux qui est le ton nom de youtubeur d'ailleurs. Salut, de 9h à 10h, Maxence Brief les vieux. C'est Maxence Brief les vieux, on s'est écouté le nouveau Big Flo Oli avec Sur la Lune, bien sûr. Alors pour que cette mesure soit un succès, tous les commerçants vont devoir basculer sur ce nouveau système. Parce que ça, par exemple dans les hôtels, souvent ils demandaient de payer en amont pour réserver une chambre par téléphone. Et donc ils demandaient des fois justement les codes, les trucs, les machins. Et donc là pour laisser le temps à tout le monde de se préparer à cette nouveauté, les premières cartes bancaires sans numéro devraient arriver autour de 2030. En revanche, mes parents la dernière fois, ils pensaient qu'ils devenaient fous parce qu'ils ont eu des nouvelles cartes. Je sais plus dans quelle banque ils sont. Et maintenant, les cryptogrammes, mais c'est vraiment un truc de fou. Il y a de certaines cartes, ils changent toutes les 2 heures. Quoi? Je vous jure que c'est vrai. Sur la carte. Genre, ouais, sur la carte. C'est magique. Hein, je vous jure que c'est vrai. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Et mes parents, ça leur est arrivé il y a genre un mois et ils ont cru qu'ils étaient en train de devenir fous. De passer l'arme à gauche, quoi. Non! Attends, mais c'est Harry Potter le truc. Je sais même pas comment j'ai sorti. C'est la seule rêve que j'ai. Gringot? Ouais, je crois, non? Là où il y a les petits ailes, c'est la banque, c'est la Tibutin. Pardon. Bien joué. Merci. Voilà. C'était plus une rêve sur les tableaux Have You Seen This Wizard et ça bouge et ah, tout. Oui. Mais excusez-moi, on est entouré de Potterhead ou je rêve? Pas trop, pas du tout même. Ah non, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Si, c'est incroyable. Attends, moi c'est, j'ai reçu ma nouvelle. Wifi les cartes quoi. Ouais. Donc, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et vous aussi, les nouvelles, les numéros sont derrière, c'est très troublant. Oui, bizarre, voilà. Et elles sont en 2D, ce qui m'a. En fait, moi j'avais une. Quand j'ai commencé. Oui, bah écoutez. Plaignez-vous de tout aussi. Oui, elles sont données, donc j'aime pas. Excusez-moi, je suis pas du genre à dire c'était mieux avant. Mais la police est Helvetica, je préfère un courrier, moi. Bon, ouais, c'est bon. Tu te souviens que j'ai pas de problème dans ma vie, j'arrive pas à comprendre. Non, pas du tout. Non, mais. Puis, qui suis-je pour juger les gens qui se plaignent surtout? Non, mais quand j'ai commencé ma vie d'adulte, j'avais une carte Electron qui était une carte en 2D pas ouf, un peu nulle. C'était même une carte de retrait que t'avais, toi. C'était ridicule. Tu pouvais même pas payer, je crois. Ouais, c'est vrai. Je me souviens, je le connais. Et il était tout petit. Moi, j'avais déjà 22 ans, mais, mais j'avais encore une carte de bébé. Et après, j'ai eu ma carte d'adulte avec les numéros en 3D. Et là, c'est redevenu en 2D. Putain, j'ai l'impression de. Ouais, c'est, de... moins premium, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais une classe. Le kid, là. Ouais, je suis un kid. Est-ce que vous trouvez généreux autour de la table? C'est pas mal de le dire. C'est marrant, on en parlait nous la dernière fois. Parce que Adrien là, a ramené par exemple des casques. J'ai pris les moins chers. Ouais, mais ils sont vraiment bien. Parce que toi, Yoa, t'as pas vu les anciens casques. Bah non. C'était catastrophique. Je les ai jetés au sol. J'allais voir si t'allais le préciser ou pas. Bah, en fait, c'est les mêmes qu'on a depuis. Plus. Voilà, on a les mêmes depuis 2014, 2015. Ah oui, ça fait 10 ans presque. Ils ont été rongés par la sueur de tous nos invités. Ouais. Mais vous auriez pu les vendre sur Vinted. Ah oui. Pourquoi les vendre sur Vinted. Et alors, mais ils sont là toujours, hein. Ils sont pas à la poubelle. Ouais, ça, le micro dans le canapé, je vais les vendre. Maxence, est-ce que tu te trouves généreux avec les gens? Bah, appeler ma femme, je sais pas. Regardez-le, Olivier de Benoît. Oh, ma belle-mère. Appelez madame. Au resto. Tu payes facilement. Il y a des gens. C'est donnant, disons. C'est pas généreux. Allez. Malheureusement, un immense rat. Non. C'est donnant. Oui, donc normal. Chacun paye sa part. C'est donnant, vraiment le truc de rat. Non, disons que c'est aléatoire. Ouais, ouais, okay, c'est une fois, je me dis, tiens, on a vraiment pas beaucoup consommé, vas-y. Alors que les fois, bizarrement, où on consomme beaucoup, là tu fais ça, là tu tends tes poches comme ça. Ah mince. Ah, mon cryptogramme a changé. Je suis chez Gringotts. Disparu. Ou Harry Potter. Oh là là. Non, disons que j'ai le sentiment qu'avec les gens que j'aime. Ouais. Ouais, non, bon, allez. Yoa. J'aime bien offrir des trucs comme ça spontanément. Je t'ai offert un petit chien l'autre fois. Ah ouais, il m'a offert un cadeau. Le véritable, l'animal, malheureusement. À la, ouais. À la, dans une animalerie. S'appelle Frankie. D'ailleurs, les petits chiots derrière les vitres, là. Horrible. J'espère que ça te vexe pas. Non, mais c'est devenu ma poubelle de salle de bain. J'adore. J'ai mis un petit sac dedans et c'est. J'espère que ça ne te vexe bien. Pas. Je l'ai jeté au sol. Je l'ai brisé. De toutes mes forces. Mais c'est quoi, pardon, parce que en gros, poubelle. Il m'a acheté une sorte de petit chien en porcelaine avec la tête qui se détache. C'est genre un pot, quoi. Oui, parce que je savais pas quoi en faire. Et en fait, j'ai dit, mais attends, j'ai pas de poubelle dans ma salle de bain. Parfait. Et du coup, ce chien est rempli de coton-tige dégueulasse. De détritus. C'est dur à dire, détritus. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais je savais qu'il aimait les chiens en porcelaine. Du coup, je l'ai vu sur Vinted et voilà. Mais tu as le même truc qu'Adrien, c'est-à-dire que tu as la générosité du ah tiens, je viens de voir un petit cadeau. Oui, un petit ça truc, c'est top. Ça me fait penser à quelqu'un. Je vais lui acheter pour lui faire plaisir. Ça j'aime beaucoup. Ça, moi j'aime bien ça aussi. Je me force à le faire aussi depuis que je côtoie Adrien. Toi, tu trouves quelqu'un qui te trouve généreux? Je rigole, ça va. Ah d'ailleurs, j'ai pris un bain. Ça, c'est assez rare, mais j'ai pris un bain et je me suis dit, c'est rare. Allez là, c'est généreux pour nous. Là, c'est pour dire, je suis écolo. Oui, pour éviter qu'on me casse les couilles. J'en prends chaque jour. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous emmerde en fait. Non, je plaisante. Non, j'ai pris un bain et je me suis dit, je vais utiliser ta bombe de bain Fast and Furious. Et vraiment, je l'ai ouverte. L'odeur, j'ai pas pu. Ça sent le parfum de vieux mec, genre Dracar noir. Bien sûr. Et j'ai dit, je peux pas. Est-ce que ça t'étonne? Oui, un peu en vrai. J'étais surpris que ça sent vraiment le mec dans les voitures, quoi. Donc, ouais, Yoa, tu te trouves généreuse, toi? Franchement, je sais pas. Oui. Oui, Non, mais c'est vrai, c'est compliqué de oui, parce de que dire vous voulez pas se jeter des fleurs. Oui, on va pas se jeter des fleurs. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on commence à se jeter des fleurs un peu. Ah ouais, un petit peu, tu vois, quand c'est justifié, tu vois. Oui. Quand c'est vrai, c'est pas se jeter des fleurs, quoi. Ouais. T'es pas partisan de l'inverse, toi, d'habitude? Non, mais. Non, en fait, si je te demande, c'est pas pareil. Si je te demande, c'est pas pareil. Si tu venais et que je te posais pas la question, vous savez que je suis généreux quand même. Ah, vous savez oui, que j'ai donné tant d'argent à telle personne. Là, je dirais. Oui, quand t'es dans la démonstration tout le temps, je trouve ça relou. Mais si on te demande et tu dis oui, je pense que je suis généreux, c'est pas grave. C'est cool aussi de reconnaître ses qualités, quoi. Je pense que. Parce que je trouve que quand ça devient de la fausse modestie, c'est relou aussi. Calme-toi, Adrien. Calme-toi. T'as raison. Non, non. Attends, je lâche le col de Maxence. Pardon. Excuse-moi. J'ai fait une clé de bras. Le code du gars qui lui a offert un cadeau mignon. Qu'il a transformé en poubelle. Aïe, aïe, aïe, c'est vrai. Alors, savez-vous qui est Median Yaisi, dit Bob? C'est Mehdi Maizy déjà. Non, c'est oui, c'est ça, pardon. Vous avez dit ça, c'est l'élévateur. Ou une éponge, du coup, j'imagine. Non, non. Median Yaisi, il s'appelle Bob. C'est un pizzaiolo, je peux vous donner son métier. Oh. Qui a une particularité. J'ai bien aimé ça déjà. C'est qu'il y a une particularité, à votre avis, laquelle? C'est un animal. Non. C'est toujours ma première question, souvent. Parce que tu rêves de voir un canard qui fait pizza. Souvent, c'est la réponse. Hein, c'est donc, la réponse. Mais là, en l'occurrence, non. Ça m'intéresse moins. Une particularité physique, enfin de lui-même ou les pizzas? De lui-même, pas physique, mais ça le concerne lui et pas les pizzas. Quelque chose qu'il a accompli? Pas quelque chose c'est qu'il pas a genre accompli. Le champion non. Du monde. Il trouve ça dégueulasse. Non. Ah oui, il est allergique vraiment, au gluten, donc il déteste ça. Le fait, par détestation. Lui, il est fou d'omelette à la base. Non, c'est pas ça. Putain. Mais t'as raison, c'est une particularité qui le concerne lui, pas les pizzas. C'est un enfant? Non. Il est très très vieux? Alors. Il est pas très très c'est vieux. C'est son âge, c'est vraiment son âge. Il est vieux en fait, c'est ça que je vais te dire. C'est un des pizzaiolos les plus vieux de France, qu'il a 84 ans. Incroyable. J'aime bien, c'est que c'est un des plus vieux. C'est pas le plus vieux. Moi, je pense que c'est vraiment juste un gars. Là, il y avait pas beaucoup de news. 84 ans. Franchement, il est vieux. Il a marqué ça sur l'article. Franchement, grave vieux, non? Et il a 56 ans, ce que pas si vieux. Non, il a 84 ans. À Brumath, dans le Bas-Rhin. Non, mais parce que j'ai beaucoup de news internationales, je voulais un peu de la France. Mais il est pizzaiolo genre pro, quoi. Il a un restaurant à Brumath, dans le Bas-Rhin. Il propose à ses clients des pizzas reportées du mercredi au dimanche. Il travaille seul, je fais tout à part le fromage, je prépare les pâtons, je fais les courses, je prends les commandes, je cuisine les sauces tomates et les sauces blanches, ensuite j'enfourne les pizzas. Bon, ça, ok. c'est une pizza quoi, une ouais. pizza. Ouais, mais c'est pas si simple. Moi j'ai vu des mecs essayer de faire passer la pizza sous le truc là, c'est pas si facile. Ouais, pas simple, faut le coup de main quand même. Je ne veux surtout pas être aidé car ma boutique est petite. Bob est officiellement à la retraite depuis 96. Et ça, je comprends tellement. Il est depuis 96 à la retraite et bah, il a faux du coup. Bah hein? Oui, non, il est pas à la retraite du coup. Bah si, il pourrait la toucher, mais il l'a lui. Ah, il a l'âge d'être à la retraite. Ah oui, bah largement, parce qu'en plus il avait une pension, enfin pas une pension d'invalidité, mais tu sais, il était blessé et donc du coup il a eu sa retraite à 54 ans. Et il a dit non, je dois continuer de boire. Enfin, je veux dans 30 piges du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le travail, c'est la santé, dit-il. Non. ça va venir à ma question qui suit. Moi, on me dit tu peux prendre ta retraite à 54 ans. Je fais oui. Let's go. Ciao. Pas une année de plus. Faut que j'attende jusqu'à 54 ans. Pas si long. Le travail, c'est la santé. Il poursuit. Je pense que je ne m'arrêterai jamais de travailler. Ou alors, il faudrait que je ne puisse plus marcher. Je ne pourrais pas rester à rien faire. Je deviendrai fou. Et justement, tu me tends une perche, Adrien Méniel. Est-ce que vous voyez travailler vieux? Comment vous imaginez l'avenir? Tu m'as déjà un peu répondu. Ouais. Moi, je trouve que c'est une question qui est intéressante de si on te, genre, on te donne 100 millions, est-ce que tu continues à bosser ou est-ce que t'as... Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'ai besoin de bosser et moi, j'arrête tout de suite. Ouais. Je continue à m'occuper, à faire des trucs, mais genre bosser, non quoi. Yoa, tu fais comment toi? Bah franchement, c'est hyper intéressant parce que je sais pas. Je pense que pendant très longtemps, j'aurais dit oui, moi si je peux ne pas travailler, j'adore rien foutre, j'adore aller sur YouTube. Donc si je peux ne rien faire de mes journées, je suis très contente. Mais après, comme moi j'ai de la chance et que je fais un métier passion, voilà. Après c'est des privilèges aussi. Moi je suis privilégiée là-dessus, donc je vais pas. C'est comme c'est mon hobby en plus de mon travail. Ouais, mais du coup, tu le ferais toujours, juste ce serait exactement, pas ton métier. Juste, quoi. Mais exactement, ouais, moi voilà. Je pense que si demain je gagne plus d'argent avec la musique ou que ça marche pas comme j'ai envie, j'en ferais toujours, mais je ferais autre chose. Ouais, voilà. Pour gagner des sous. Voilà. C'est ça. Mais est-ce que tu t'imagines, je sais pas de qui tu es fan par exemple, enfin, j'ai lu un petit peu, il y a des pop stars, mais est-ce que toi tu t'imagines faire encore ce métier dans 10, 20, 30, 40 ans Alors franchement. T'es plutôt du jour le jour, tu vois pas ça comme ça. Oui, vraiment. Okay. Franchement, je sais pas. Ouais. Voilà. Toi, Maxence? Exactement pareil, écoute. Ouais. ma bonne gueule. Vous voyez pas, mais il vient de mettre une petite gifle là. Ouais. Non, exactement pareil. J'ai vraiment le sentiment que depuis que je suis gamin, je fais juste ce que je veux faire, quoi. Donc j'ai vraiment cette chance-là de faire ce qui m'habite, ce qui me passionne, ce qui me prend aux tripes. Ouais. Je dis toujours, même si j'ai l'impression que. Bon, évidemment, il faut que ça rémunère, mais effectivement, si j'avais cette chance-là d'avoir une somme exceptionnelle d'argent, bah ouais, je continuerais parce que c'est tellement naturel, instinctif, entre guillemets. C'est tellement galvanisant, même de, tu vois, la comédie, de jouer dans des trucs, enfin, c'est trop cool. Ouais. Qu'effectivement, ça te fait pas trop avoir le sentiment que tu fais un métier. Ouais. Par contre, oui, dans les moments où tu sens que tu peux peut-être te forcer un petit peu, tout ce qui est. Voilà, où je ressens que c'est un métier, par contre, c'est plus l'aspect un peu promotionnel. Ouais, réseaux sociaux, ouais. Alors, faire des reels par exemple. Ouais, des réels. Un petit peu les termes les d'internet. Des réels. Oui, donc, ça c'est un vrai même game, là, mine de rien, c'est un vrai truc qu'il faut maintenant assimiler. Ouais. Ah bah ouais. Oui, bon, oui, là oui. Même là, du coup, moi. Venir ici, tu veux dire. C'est un boulot du coup là. C'est de la promo. Hein. Bon, on m'a donné un brief. C'est mes RP, hein. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle fout là. Marta. Non. Mais donc, même là, en gros, je m'efforce de rendre ça fun, tu vois, d'essayer d'être créatif et tout machin. Et au final, je prends du plaisir là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des aspects un peu boulot et ma réponse est beaucoup trop longue. Mais, non, c'est mais pas du tout. Mais. En fait, moi, j'ai posé la question. Je m'interdis pas que si demain en fait je découvre que ma passion c'est de peindre ou de faire des sculptures, alors ce sera de la bouse, mais vas-y, j'y vais quoi. Ouais, bien sûr. Mais alors du coup ça m'amène à une autre question, parce que je comprends que vous voyez pas forcément dans 10, 20, 30 ans, mais est-ce que vous pensez que vous avez une ambition dans le métier que vous faites? Par exemple, Yoa, toi tu vas faire les premières parties d'Eddie de Préto dans des salles assez énormes, tu vas faire Bercy là dans quelques jours. Oui. Est-ce que toi tu dis ah franchement j'aimerais bien faire des salles de plus grosse ou des choses comme ça, mais pas forcément pour dire je vais niquer ce game, mais juste ah ouais c'est quand même cool, etc., etc. Bah oui, parce que enfin en fait je sais pas, moi j'aimerais juste arriver à un moment où je me sens libre et où j'ai suffisamment de moyens pour vraiment faire exactement ce que je veux comme je veux artistiquement, mais je suis pas et ça c'est un truc que je découvre maintenant, je suis pas matrixée par je sais pas comment dire. Le toujours plus quoi. Oui voilà, ouais. ça m'empêche pas de dormir et c'est pas un moteur. Je veux juste faire bien au jour le jour quoi. Mais je suis assez détendu. Ouais. Je crois qu'on partage un peu ça. Tous, ouais. Toi, Adrien, c'est un truc que tu dis d'ailleurs, que tu, que toi, t'as pas l'ambition de. Moi, j'ai, vraiment, c'est, enfin, j'ai l'ambition de, ouais, de bien faire mon taf, quoi. Oui. Et c'est ça ma satisfaction, quoi. C'est genre, mais on en parlait dans l'épisode précédent, quoi. Mm. Quand les gens ils applaudissent et tout, je me dis pas, ouais, c'est parce que je suis charmé. C'est genre, bah, mon boulot c'était de les satisfaire. Apparemment, ils le sont puisqu'ils applaudissent, donc c'est cool. Mais c'est vraiment un rapport très. C'était des grosses applaudissements. Terre à terre. C'était immense. C'était immense. Standing, t'as eu des applaudissements au milieu d'un film, c'est rarissime, mais après voilà. Non, mais ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que on m'a proposé un casting pour une série télé, mais genre vraiment télé, quoi. Mmh. Et en fait, je me suis un peu chopé en train de faire la fine bouche, genre à télé, machin et tout. Et ouais. Après, je me suis dit, mais attends, gars, c'est. Et en fait, je me suis complètement retourné le cerveau en me disant, mais en fait. C'est trop bien de faire ça, quoi. Enfin, tu vois, de jouer pour des trucs que les gens vont regarder chez eux, parce que c'est un public qui a pas forcément les moyens, soit de se payer des abonnements plateforme, d'aller au cinéma, c'est ultra cher et tout, de jouer dans une série télé et tout. En fait, c'est genre exactement ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais, bien sûr. C'est même pas genre j'y vais. Et du coup, je suis allé au casting vraiment dans un état d'esprit complètement différent. Je me suis dit, t'es toujours en train de dire. Tu veux faire ce métier parce que tu veux le faire bien, et en fait là t'es un peu en train de faire le snob, et du coup je me suis complètement rabroué moi-même en me disant mais t'es un connard, et en fait maintenant je suis trop content, j'espère vraiment, enfin c'est vraiment ça mon ambition, quoi, plus que, enfin si je fais du cinéma je serais content, mais je serais aussi content de faire une série télé pour tu vois, de me dire des grands-parents qui vont regarder ça, je suis trop content, quoi, enfin genre vraiment à niveau égal, quoi. C'est pas pour amener la couverture sur moi, mais si quand même. Panda, saison 2, okay. Un bon gros plaid. Mais c'est de plus en plus qualitatif, hein, surtout là. Je sais que moi perso, j'ai pu avoir ce truc quand j'ai eu le casting pour TF1. Bon, ouais. Il s'avère que c'était aussi avec une idole de jeunesse. Enfin, bien sûr. Bref, voilà. Sûr. Et dans des conditions folles. Dans il ne veut mon pas dire son nom, c'est Julien Doré. On le connaît. Ouais, ça va. Pas trop ramener la couverture non plus. Ouais. Non, mais en tout cas. Laisse-moi te border. J'étais quand même du coup. Très agréablement surpris de voir la qualité où je trouvais du scénario, des images, de tout ça. Non, et oui, franchement, ils se donnent des moyens maintenant, et bah, notamment bon, TF1 pour pas les citer. Ouais. Et. Il te rappelle les lois de la gravité, voilà. C'est aussi pour dire qu'on est moins maintenant, ça change, on est moins dans cette image de la télé, etc. etc. Je oui, les, et les, voilà. Les thèmes et tout abordés sont super. Voilà, bon, d'une série de flics. Ah, autant pour moi. Ouais, ouais. Autant pour moi. Mais c'est pas grave. Et ouais. Non, mais ouais, vas-y, pardon. Non, pardon, mais moi j'allais revenir au truc d'ambition. C'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose où, parce que vous faites des métiers artistiques, enfin, on fait des métiers artistiques, c'est des trucs de phase aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment où tu peux avoir beaucoup d'ambition sur, tu dis là, je veux faire, j'ai dit n'importe quoi, moi je suis pas musicien, mais un album, et le concert sera avec un live band, et il y aura des violons, et il y aura des, ça crachera des flammes. Et le truc d'après, faire un truc acoustique, petit truc, c'est ça aussi qu'il faut dire aux gens. L'ambition n'est pas un truc. Enfin, moi, des fois, j'ai l'impression que c'est un truc très mindset du moment, de toujours plus fort, toujours plus haut. Olivier Mine dans Fort Boyard, quoi. Faut aller toujours plus, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite. Wow. Et de moi, à Fort Boyard en même temps. Où est-ce qu'on est ? Oui, oui, voilà. Bien sûr. Pour y avoir Interville aussi. C'est vrai. Ça, attention, lever les jambes, faut pas toucher avec sur les côtés. Mais c'est ce truc de, c'est des phases, l'ambition. C'est des fois, tu peux dire là, je veux faire un énorme truc et machin, et juste après, faire un tout petit truc justement, parce que c'est les envie et faut écouter ses envies, voilà, tout simplement. Ouais, et puis je pense que c'est important aussi de considérer qu'il y a des gens vraiment, ils sont bien avec leur stade actuel, quoi, de tu ouf. Vois aussi, je pense. Bah c'est vrai que nous, le Floodcast, on fera jamais Bercy, par exemple, non, tu non, vois, je pense pas, parce que c'est pas, ça nous correspond pas, et ça correspondait à Zen, mais nous, ça nous correspond pas, parce que nous, c'est notre truc de faire... L'histoire d'ego, sans doute. Non, je plaisante, ça va, et ça les ferait marrer, mais... ça les ferait marrer. 4 Américains, je vais prévenir les auditeurs, si vous entendez un fond sonore un peu avec des bruits, il y a tout simplement des travaux à côté de chez moi, comme depuis 10 ans, voilà. Tout simplement. 4 Américains ont tenté d'arnaquer l'assureur de leur voiture. À votre avis, comment s'en sont-ils pris ? S'y sont-ils pris, bien sûr. Oui. Mais attends, c'est pas la même news que la dernière fois, là. Bah, dis-la, vas-y. Où ils avaient fait semblant... Attends, le truc des griffes d'ours, là. Ah, je n'ai jamais fait gagner ça. Mais c'est la bonne réponse. Non, non, merde. Mais dans quoi mais j'ai vu ça ? On n'en a jamais parlé dans un podcast. Attends, dans quoi j'ai vu ça, du coup ? Bah, j'ai dû voir ça. Par contre, je deviens vraiment fou, hein, parce que j'ai vraiment cru que c'était... Tu te fait. Ou alors je l'ai inventé, je l'ai rêvé et c'est la même. Tu le surprends chez lui, il est en train de parler à voix haute, il se fait des podcasts avec mon chien. Comment fout, ils sont avec mon chien. Il met un t-shirt Jurassic Park sur son chien. ChatGPT, ça c'est la réalité par contre. Je parle vraiment avec ChatGPT. Bon bah très bonne réponse Adrien Méniel. Ils sont déguisés en ours. Attends, c'est hilarant. Alors, parce que c'est pas juste ils l'ont griffé. C'est-à-dire qu'en fait... Oui, ils ont fait une vidéo, non ? Bah en fait, il y avait la vidéo de la sécurité. Non. Et donc du coup, pour duper la vidéo de la sécurité, ce mercredi 13 novembre, 4 hommes ont tenté de toucher l'argent d'une assurance en rayant l'un déguisé en ours des voitures de luxe. Ils ont ensuite contacté la compagnie en affirmant qu'un animal sauvage avait attaqué leur véhicule. Ouais. L'arnaque a été détectée après une enquête déclenchée par les doutes d'une compagnie d'assurance à qui ces personnes demandaient de couvrir les dommages infligés à une Rolls-Royce Ghost, une luxueuse berline vendue plusieurs centaines de milliers d'euros. Rassure-moi, t'as la photo du déguisement ? Je peux la trouver, je peux la trouver. Que... La c'est photo une du vidéo c'est... qui existe, je vous en supplie, j'en ai besoin. Est-ce qu'ils savaient que c'était filmé ? Oui, oui, ouais, parce que sinon pourquoi ils se seraient déguisés ? Par souci du détail, justement, oui, pourquoi c'est ça pas. Que je comment ça ? Alors, il y a bah, pas. Ils ont le personnage, ouais, tu veux dire. J'arrive pas. Non, juste avec une fourchette, j'arrive pas. Il me faut des griffes. Il y a pas le costume porté. Il y a le costume. Oui, oui, oui. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et regardez, il y a des petits accessoires en métal pour faire les griffes. Pour faire les griffes. Parce que s'ils étaient déguisés comme ça, ça marchait pas. Si c'était un costume de ours, ça fonctionnait pas. Mais ouais, ouais, ils sont déguisés en ours. Cependant, après un examen plus approfondi de la vidéo, ça j'ai bien aimé, l'enquête a permis de déterminer que l'ours était en fait une personne déguisée. Toujours un doute quand même. Hein. Au début, ils ont fait peut-être. C'est au moment où ils ont vu se changer dans la voiture. Bah, garer la voiture. Quand il a mis au téléphone. Ouais. Bah, en gros, ils ont montré les vidéos à un spécialiste. Quand même, hein, ça, le mec l'a bien joué. Le biologiste disait que bah non, il s'agissait clairement d'un humain dans un costume. C'est trop drôle. Mais c'est hilarant. Mais ça me rappelle les scientifiques qui se déguisent en panda pour aller les étudier, et vraiment. Et leur déguisement sont vraiment encore plus éclatés que ça. Donc et ça marche sur des pandas littéralement. Donc en vrai, ça aurait pu marcher sur des humains. Non mais des pandas biglouchers. Des pandas qui ont pas 10 sur 10 aux deux yeux. On parle pas de ta série, attention. Hein. Je l'ai. Panda. Je l'ai. Merci. Je fais un petit silence. Voilà, on va se le garder un petit peu là. On va se le prendre plein de gueule. Arrêtez, okay, attends. Arrêtez. Non. C'est un flop ou quoi ? C'est un flop. Yoa le vit très très mal. Attends. Oui, je sais. Happening, happening, flop. Ah ouais, comme la série là. Oh, c'est le cauchemar de Yves. Ah non, c'est horrible. Mais vous m'aimez pas trop mal, c'est un cauchemar. C'est horrible. Non, ouais, ça va. On vient à mes concerts. Oh non. On voit que c'est pas ton quotidien, mais nous. Ça, ça me fait penser, petit troco. C'est pas tout de suite. Hein. Comme la série. Ah, t'es gros con. Je vous invite à voir sur YouTube, il y a des vidéos de. Je sais pas comment le trouver, donc démerdez-vous malheureusement. Cool. dans les reportages animaliers, des fois ils font des fausses caméras. Oui. Vous savez, donc il y a par exemple des faux singes. Ah, mais tu parles du truc horrible là ? Non, je parlais pas de ça. Okay. Mais il y en a, oui, du truc horrible. Le bébé singe là ? Le bébé singe, c'est terrible. Mais sinon, non, c'est des espèces de crottes d'éléphants qui roulent. Ah, mais tu en as parlé ? Je t'en ai parlé. Ah, oui, voilà, c'est pour ça. Oui, voilà. Ah, oui, donc c'est une espèce de. Oui, je vois très bien. Et il y a plein de variantes, il y a plein de vidéos de trucs comme ça, c'est fascinant. Est-ce que c'est tout le temps des crottes d'animaux ou pas ? Non, pas spécialement. D'accord. Des bébés animaux, et ça, c'est très triste. Comme, oui. Oui, parce qu'en fait, ils avaient fait un bébé singe dans lequel. Qui avait une caméra dans l'œil. Et en fait, il y avait une maman singe qui l'avait vu et qui a cru que c'était un bébé mort. Et du coup, elle le portait et tout, genre comme si c'est. Enfin, elle faisait le deuil d'un robot. D'un robot, quoi. C'est horrible. C'était horrible, c'était très triste. Ouais, mais les images devaient être ouf. Un bon Disney. est-ce que ça aime se déguiser autour de la table lorsqu'il y a une soirée? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, attention, bien sûr. Les gens ne sont pas tous comme ça. Maxence, bon, tu te déguises mais là, au quotidien. On est des saltimbanques. Tu remarqueras, j'ai pas mis mon pull à l'envers. Là, t'es bien. La dernière fois que j'ai vu Maxence, il avait mis son polo à l'envers. Écoute, genre il y avait les petits bouts. Mais volontairement. Oui, je me suis réveillé matin, je me suis dit comment être différent aujourd'hui, comment le montrer au monde entier. Je vais mettre ce polo à l'envers. Je trouve qu'il me fait une meilleure shape. Écoute, donc voilà. C'est fou. Ouais. Et ça a agacé beaucoup de gens sur Instagram aussi. Ah, sur Instagram aussi. Ouais. Et même un texto de ma mère qui m'a dit, je crois que tu as mis ton pull à l'envers. Tu vérifieras. On voit l'étiquette. Je sais. Sur Instagram, c'est. Il y a un très beau commentaire qui a dit, est-ce que c'est ton pull qui est à l'envers ou tout le reste ? Ça m'a beaucoup. Ah, c'est marrant. Au petit univers. J'ai des abonnés très poètes. Poétique. Oui, parce que tes potes, tu savais très bien où tu mettais les pieds. Savoir des beaux farceleurs. Vague du collège. Donc public. Tu aimes te déguiser ? Tu aimes les soirées déguisées ? Alors j'en fais bien trop peu. Mais je trouve que justement, je trouve que c'est une manière de dégayer une soirée, de donner un intérêt à une soirée. Ah ouais, c'est bien, c'est tellement bien. Tu n'aimes pas te déguiser? Je déteste ça. Ah non, c'est pas vrai. C'est pour ça que tu disais attention, attention. Ah oui, d'accord. Oh non. En fait, je vais te dire quelque chose, je n'aime pas. Non mais je fuis, je me donne en spectacle. Hein. Donnez-moi un petit micro. Mettez-moi tu crées ta légende. Ouais, c'est ça. Oh oui, avec Guillaume Play d'ailleurs. Ah bon, bref, on va pas partir là-dessus. Si, alors, toi, si, tu merde. Alors j'ai lu. Vous pouvez me dire si je la tiens un peu? Vas-y. Alors j'ai lu que c'est ta propre voix pour l'instant. Non, non, si, moi je l'ai. Moi je sais, merde, je le problème, c'est que j'ai pas l'impro qui va derrière. Non, moi c'est juste déjà je suis pas très soirée, pour être tout à fait honnête avec toi, et qu'on me m'obliger, c'est un bien grand mot, mais que on m'oriente un peu, une petite injonction à là, faut faire ça comme ça. Ouais, mais c'est ta meuf. Et ça, non, non, parce que pour le coup, ma meuf mais... ne vient plus, enfin, ne me propose plus ces soirées. Ouais. Mais du coup, j'aime pas me forcer à faire un truc pour aller à une soirée. Je mais comprends. Toi, l'auteur splendide, le créatif que tu es, je trouve que c'est la matière c'est parfaite pour trouver un twist et trouver un truc original. Et moi, c'est ça m'énerve aussi, malheureusement, un petit peu, tu vois. Là, ton truc du polo, il a détesté, par exemple. Non, parce que c'est Maxence, c'est que je le connais, et que c'est comme mon gosse. Moi, j'en ai une samedi, là, je suis trop content parce que j'ai trouvé un... Bah, dis-nous, parce que ça sort après. L'anniversaire de Léna, okay. Ma fouf, qui fait une thématique aéroport. Ok. Ah, c'est tellement... je vais non mais alors c'est nul du coup je le raconte. Mais c'est pas si, c'est tu es un pilote mais le pilote non, de maman faire... de y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est malheureusement le costume de Léopold. Bah bien sûr, c'est mon film préféré. Il se déguise en serpent. Pardon. Ah parce que les serpents dans l'avion pas si mal. Personne n'aura la ref. Personne l'aura mais tu détestes aussi ça. Je déteste. Ouais voilà. Je vais faire le mec qui attend avec la pancarte. Donc j'ai acheté une top de costumier et tout. Et en fait je vais avoir un iPad sur lequel je vais à chaque fois changer ce que j'attends. Donc ce sera peut-être l'amusement, la danse, l'ennui. Ah genre en plus il y a de la poésie, c'est pas des gens. Oui, c'est inventif. En fait, là, c'est lui. Ce qu'il faudrait c'est une petite app qui prend les gens photo en face de toi. Oh. Qui détecte qui c'est et qui met leur nom automatiquement. Non, mais là, c'est la ça, il développe un logiciel pour une soirée déguisée. Je serais prêt à le faire. Moi, je le tenterai. Parce que le reste du déguisement, c'est une casquette. T'as, t'as le temps de. Mettons fin à ce podcast. Mais vous êtes trop dur avec lui. Regardez. Pas du tout, je lui donne des tips. C'est en Brensto. Je l'adore. Voilà, quoi d'autre? Non, mais c'est. Moi, à l'aéroport, je trouve que c'est un bon thème par contre. Parce que je trouve ça suffisamment large. Pour pouvoir faire des trucs. Ouais, bah, genre l'année d'avant, capitales. Elle avait fait Shrek. Elle avait fait Shrek. Shrek, c'est relou, je trouve. Shrek, c'est genre, il y a 20 persos. Ouais, j'avais détourné le truc encore. Oh, mais bah, quel détourneur. Tu es l'inventeur de Shrek. J'avais une chemise. Non, pareil, il avait mis un iPad avec des noms, mais là, ça avait rien à voir, Maxence. Non, vu qu'il y a Petit Biscuit dans Shrek, j'ai fait genre, je me trompais, je me suis dit que c'était Petit Biscuit. Tu t'es mis un débardeur blanc et d'accord. Mais c'est drôle. C'est adorable. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Ouais, mais du coup, tu peux te déguiser en n'importe quoi. Selon le thème, quoi. Oui, c'est énervant. Non, mais c'est pas énervant. Non, mais si, parce que je peux un comprendre. C'est énervant. J'avoue que moi-même, j'aime pas les gens, tu sais, qui font genre. Parce que tu veux être le seul à le faire. Non, ce truc un peu méta de mais j'avais pas d'idée, donc. Enfin, tu vois, genre. Oui. Ouais, bon. Non, mais ça va. Mais par contre, moi, je déteste sortir de chez moi quand j'ai pas une raison pour sortir de chez moi. Je déteste les soirées, mais les soirées déguisées, c'est trop bien. Ah ouais. Mais je pense vraiment que ça dépend du thème, vraiment. C'est quoi, est-ce que tu peux nous partager tes highlights en termes de soirées déguisées? Le meilleur thème qu'on ait jamais fait, c'était mon pire cauchemar. Et ça, c'était extraordinaire. Ça, c'était tellement bien. J'aime bien. Il y avait des femmes enceintes, il y avait des ex, enfin, c'était génial. Déguiser chacun en son ex, c'est hilarant. Ah ouais, c'est génial. Tu aurais pu te c'est déguiser génial. En cette soirée. T'as juste un grand miroir. Bah, franchement, c'est hilarant. Et tu là, fais ça. Si tu peux nous le partager, tu t'étais déguisé en quoi? Oui, je m'étais déguisé en rat. Parce que j'ai la phobie des rongeurs. Voilà. Ah ouais, et c'était super. C'était thérapeutique ou pas de se déguiser? Ah, pas du tout. Je l'ai. Toujours autant, je l'ai, voilà. Mais c'était très drôle. Mais c'est marrant, vous me le vendez presque. J'ai presque envie de faire une soirée déguisée. Mais oui. Mais je te dis, pour le créatif que t'es, ça m'étonne. Je crois que c'est plutôt l'angoisse de justement pas faire un truc assez bien. C'est que je me mets en fait, c'est que d'un coup, c'est pas une compète, mais d'un coup, tu te mets une espèce de petite pression de ah, faut que ce soit un peu bien quand même. Bah, oui, en fait, ça, c'est il vrai. Vient de te mettre, pardon. Vas-y, c'est vrai. Maxence, il t'a mis la pression du coup. Ouais. Il dit toi l'auteur et tout, donc du coup, tu dis putain, faut que j'ai une super idée quoi. C'est ça, mais en même temps, t'as vu, il m'a challengé un peu. Mais il y a aussi un truc avec les soirées déguisées, c'est que franchement, La surprise est là pendant 5 secondes et après oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et donc là, t'as ta perruque, ça gratte, t'as tes habits, tu finis par enlever et c'est une soirée normale. Il y a aussi ça. C'est Léopold qui avait fait une soirée que j'avais beaucoup aimée, je crois. C'était soirée perruque. Bah voilà. Et juste les gens venaient avec une perruque, c'est vrai. Et ça, j'adore parce que c'est pas trop chiant dès que t'en as marre, t'enlèves. J'avais twisté. Oh, regardez. Il avait mis une perruque sur tout le corps, sauf la tête. Une perruque de chauve avec juste un. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Le twister. Mais t'as fait une soirée sans twister ou C'était offensant pour moi d'ailleurs. Non, ça fait de l'appropriation culturelle. Ça fait penser à le truc de, que Pierre Lapin nous a partagé là. Vous voyez que c'est John Stamos ou pas? Non. John Stamos, c'est un, acteur oui, américain qui jouait dans La fête à la maison, une série. Et dans Glee, voilà. Ouais. Exact, ouais, exactement. Qui écoute. Et en gros, il a un ami, enfin d'ailleurs, qui jouait dans La fête à la maison, je crois que c'est ça, c'est un des acteurs, qui a un cancer là. Donc le mec est sous chimio, il a plus ses cheveux. Et du coup, John Stamos. Souvent, le truc que font les gens, c'est ils se rasent la tête en solidarité. Et lui, oula. Pardon. Il a mis un faux crâne chauve en plastique. C'est mais tu sais, genre professionnel, genre hyper bien collé et tout, genre solidarité. Et tu fais, mais ça ne marche pas. Enfin, tu vois, t'as même pas fait l'effort de te raser le crâne. Quoi. Et apparemment, il fait un peu un bad buzz à cause de ça. Quoi. C'est pas vrai. C'est hilarant, quoi. Oui, il oui. dit, hey, solidarité, regarde. Oh. Tu t'es rasé le crâne? Non, j'ai toujours mes cheveux rasés. En dessous. Je vais quand même pas non plus raser mon crâne. L'âge que j'ai, ça peut repousser. Terrible. Ah, c'est très, très marrant. Est-ce que vous savez ce qu'est le Christmas creep? Donc non, ce n'est pas un vieil ongle bourré dégueulasse à Noël. Non. Mais qu'est-ce que c'est le Christmas creep? Okay. Écrit comment? Creep. C-R-2-E-P. Donc comme un creep. Comme la chanson. Creep. Comme Radiohead. Ah, comme la chanson. Comme la chanson creep. Oui, comme Radiohead, exactement. Christmas creep. Christmas creep. Est-ce que du alors, coup... Ouais. Ou alors c'est trop nous dire, c'est effectivement quelque chose qu'on a l'habitude de côtoyer à Noël et qu'on déteste ou... Qu'on déteste. Enfin, moi, par exemple, j'en ai rien à foutre. C'est pas l'équivalent d'une soirée déguisée pour moi, tu vois. D'accord. Moi, ça ne me touche pas. Mais c'est un truc qui arrive effectivement aux alentours de Noël. Parce que c'est le blues de Noël. Alors, ce n'est pas le blues de Noël. C'est plutôt quelque chose qui arrive avant Noël. Parce que il y a parce que to creep, ça peut aussi vouloir dire regarder, espionner, quoi. Donc, est-ce que c'est pas un truc du genre t'espionnes les gens pour leur faire des cadeaux, ça n'a rien à voir. Se faufiler sans bruit et s'insinuer, par exemple. Par exemple. c'est quelle plus science. Dans ce sens-là. Okay, c'est pas le... creep, genre un pervers dégueulasse. Non, quoi. Pas du tout. Le stress de pas trouver les cadeaux. Pas le stress de pas trouver les cadeaux, joli. Le stress, un stress que vous avez ici, juste vite fait, je fais un petit virage. Non, ça va, vous êtes plutôt bon en cadeau. Ouais, oui. Ça va. Ouais, mais c'est bien, je suis content. Adrien, je demande même pas. Bah, tu peux être bon en cadeau et justement avoir un stress de pas trouver un bon cadeau, justement. Ah, parce que tu te c'est deux questions différentes. Parce oui, qu'on t'attend au tournant, genre, ah, lui, il va faire un tu super vois, cadeau. Tu te remets, toi, t'es comme moi avec les costumes, tu te mets une petite pression qui est pas obligatoire parce que tu sais que t'es bon en cadeau. Tu sais ouais, que mais après, moi, j'ai aussi un truc de si j'ai pas de bonne idée, je préfère pas faire de cadeau que d'acheter un truc par principe et plutôt dire quand j'aurai une bonne idée, je te ferai un cadeau. Ah, ça se discute, ça, c'est marrant. À Noël, je trouve que c'est dur de dire bah désolé, pas de non, cadeau, mais j'ai pas eu d'idée. Un petit truc, tu vois, j'achète un petit truc. Ah oui, voilà. Mais au lieu de dire, non, mais au lieu d'acheter un truc de valeur équivalente aux autres cadeaux, mais en me disant ah c'est pas ouf mais je tu oui, vois oui, parce oui. que je veux pas être dans la surconsommation non plus quoi. Oui. Moi à présent non mais non mais bien sûr. À présent apparemment je vais offrir des poubelles directement. Mais mec, moi c'est plus simple. C'est j'adore les cadeaux utiles donc oui. je suis oui, ravi. C'est vrai quoi. Que t'es dans la praticité toi. Ah, non. Ouais, bien sûr. Ça nous dit pas le stress de avec qui le fêter. Oui, de la famille et tout, non c'est pas ça mais vous mettez le doigt sur c'est horrible. C'est là moi alors c'est pas que c'est horrible mais c'est que il faudrait adapter Noël au fait que les gens divorcent de plus en plus et que là, faut 6 Noël maintenant. C'est-à-dire que entre ma meuf, moi, les parents divorcés de ma meuf, les parents divorcés de moi, enfin, ça puis devient la, une orga. La famille que tu crées, toi maintenant. C'est ça. Mmh. C'est une semaine. Faut, comme les religieux juifs, tu vois, tu fais ça, tu étales Noël sur une semaine entière. Voilà. Mmh. C'est vrai. Une idée que je donne aux cathos, si vous m'écoutez, au christianisme. Moi, si ma vous... technique a été de perdre mes deux parents. J'adore que, ouais. Ça résout le problème. Est-ce que tu conseilles aux gens? C'est ta petite reco. Des économies, plus d'engueulades. Oh, super. Génial. Putain. Tu te fais un bon Noël. Oh, voilà. Et là, il vient de nous dire ça, il vient de se mettre à neiger. Oh, dehors. Non, mais c'est la de Noël. Mais est-ce qu'il y a plus que l'oncle chiant, du coup? Alors. Il y a le reste de la technique, c'est ensuite se fâcher avec le reste oui, de sa sûr, famille. Bien sûr. Il reste trois personnes dans ta famille. Le mot dans qui les tu poches. T'en prie. Un régal. Génial. Putain, c'était pas ça. C'était pas ça. Attends, avec tes enfants, du coup. Ah oui, non, mais je suis seul. Seul. Non, mais encore un autre conseil. Pas d'enfants. Pas d'enfants, pas de. Rien. Non, j'ai une question. Ouais. Le Christmas creep, ça désigne un sentiment? Alors, très très bonne question d'Adrien Miel, c'est plutôt ça. Okay. C'est quelque chose qui a tendance, je vais donner un léger indice, qui a tendance à énerver certaines personnes. Comme... À énerver. Ouais, il y a des gens qui disent non, mais ça, non, non. Ah, la magie de Noël. Pas la magie de Noël en elle-même. Les gens qui décorent trop leur. Qui sont trop. Alors, à fond dans le. Ah, est-ce que c'est les gens qui. Est-ce que. Ah. C'est regardez genre cette pensée en arborescence. Les décorations de Noël qui sont dès novembre dans les magasins. Très bonne réponse. Ah, bien sûr, mais oui. C'est le fait de parler de Noël beaucoup trop tôt bien dans sûr. L'année. Le terme vient des Américains, donc effectivement, s'insinuer comme ça. Et ça précisément à pointer du doigt cette manie des grands magasins consistant à parler de plus en plus tôt de leurs produits en rapport avec Noël. Dès la fin d'Halloween. Dès la fin, parfois même quasi avant maintenant, oh c'est le bordel. Là. Non mais c'est vrai, on sait plus où se mettre. En août bientôt. Hein. T'imagines ? Oh là là ! Ou alors début de l'été. Mais février ? Non mais là, ça peut être n'importe. Janvier peut-être même. Décembre. Ah, bah là, non. Ça, si ça fait le tour. À l'année d'avant. Non bah là, imagine le truc. Donc. Ouais, j'ai bien aimé. En gros, les magasins, pourquoi ils font ça? C'est pas en plus juste pour dire hey, on fête Noël, c'est cool. C'est pour pousser les gens à consommer parce qu'il y a Black Friday en novembre aux States. C'est un phénomène dont du coup, les gens font des économies, tant mieux. Bah oui, mais non, c'est pas des vrais économies. Enfin, ils dépensent plus aussi, du coup, le Black Friday. Ouais, bah après, ça sert à la responsabilité des gens de se contrôler. Pas obligé de plus acheter. C'est un phénomène dont se plaignent plein de gens cette année. C'est donc oui le fait de nous mettre dans l'ambiance de Noël beaucoup trop tôt et de nous faire une overdose de déco et de chansons de Noël beaucoup trop tôt. De manière générale, les gens considèrent que Noël c'est à partir du 1er décembre, pas en novembre. Voilà. Manifestation samedi à Répu d'ailleurs. Mais tu vois, moi par exemple, je m'en fous. Je fais oui, mettez Noël quand vous voulez. Moi je suis entre les deux. Ouais. Ah ouais ? Moi en fait, malheureusement, comme dans beaucoup de situations, les deux m'énervent. Les gens qui, dès que c'est fini Halloween, ils postent les mêmes avec Mariah Carey, genre, on va dégeler Mariah Carey. Bon, tous les ans, on va faire cette blague, c'est bon. Et les gens qui disent, voilà, il y a les décorations de Noël en novembre. On s'en branle, les achète pas et ferme ta gueule. Est-ce quoi, que c'est tu pas vois les gens qui ont des voix énervantes qui t'agacent? Parce qu'à chaque fois, ils ont une voix un peu énervante. Il y a une petite interprétation, je fais ma bande démo là en fait. Et alors les gens qui font genre, oh mon dieu, j'ai un peu plus de Noël. Tu vois, bon là, vraiment. Oupinaise Noël, oulala. Oh mon dieu. Non. Ah, mais non, c'est pas ça, aussi, c'est pas difficile. De Homer Simpson, c'est la pire qui existe, oui. Sur la planète. Heureusement que t'étais pas là il y a quelques épisodes. Je n'ai fait que ça. Et les films de Noël, tiens, on en parle ou pas? Bah vas-y. Il est en train de remettre tous les jours, tous les après-midi, je suis devant ma télé sur M6. J'adore moi. J'adore les films de Noël pourris sur M6 et sur TF1. Ouais. Il faut toujours se sauver. Je peux les dire, oui. Ouais, ouais. On a le droit de critiquer TF1, Maxence, ça va. On a encore le droit. Donc oui, non, toi, ambiance Noël, Yoa, t'aimes bien? Bah tu... moi, en fait. Est-ce que déjà, ça achète un sapin? Bien sûr. Ah voilà. Moi j'achète un sapin et en fait moi je suis née le 24. Oh ouais, oui, voilà. Avril, le 24 par avril. Donc rien à voir. Non, je suis née le 24 décembre donc mais moi j'adore, tout le monde me dit c'est pas chiant d'être née le 24. Moi j'aime bien, je m'en fous, enfin je m'en branle, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors la question tout le monde te pose. Mais oui, bien sûr. T'as deux cadeaux ou t'as un cadeau pour les deux? Bah, en fait, j'ai mon anniv, c'est le 24 et Noël, les cadeaux de Noël, c'est le 25. Donc c'est délimité. Ah, mais en soi, j'ai tout en deux jours, quoi. Okay. Peut-être sur ta carte d'arrivée, tes parents, ils ont écrit il est né le divin enfant. Peut-être, imagine, ils ont fait ça. Sa carte d'arrivée, tu sais que c'est vraiment. C'est hilarant de dire ça, la carte d'arrivée. Ta carte d'arrivée. Ta carte d'embarquement, là. Il y avait marqué. Non, mais Maxence. C'est pas comme ça avec les cigognes. Les gars, ta carte d'arrivée. Bah quoi? Bah t'es un joli bébé mon pauvre, c'est ça que j'ai envie de te dire. Joli môme. On est d'accord que dans les centres commerciaux, c'est pas le vrai Père Noël. C'est des gens. Écoute, bah, selon ma mère, savoir, en fait. Selon ma mère, c'est des gens qui travaillaient pour le Père Noël. Enfin, qui travaillent pour le Père Noël. Ils sont fait virer. Ah non. T'as tout de suite mis un truc très badant. Mais... Pour harcèlement moral. Maman, ça se passe bien le taf en ce moment? Ouais, ça se passe bien. Ouais. Ça se passe très bien. T'inquiète, t'auras des cadeaux si c'est ça ta question. Ouais, maman. Tu demanderas à ton père. Non. Je le quitte d'ailleurs. Ma mère disait que les Pères Noël que tu voyais dans les centres commerciaux ou dans les marchés, c'est parce que vu que le Père Noël il a pas le temps de faire le tour du monde. Bien sûr. Parce qu'en une nuit, t'imagines, et bah il bosse avec plein de gars qui se font passer pour le Père Noël. Ce qui est vraiment à l'encontre. Elle a créé Amazon, tout simplement. Ouais, ma mère a créé Amazon. Et ce qui va vraiment à l'encontre de la légende du Père Noël qui est qu'il fait tout en une nuit, quoi. Il a fait, bah il a évidemment pas le temps. Ah bon? Bah je crois que c'était ça le truc. Ah, mais t'as vu comment elle l'a tout de suite terre à terre. Il a évidemment des employés. Voilà. Certains sont stagiaires, rémunérés. C'est une SARL qu'il a au pôle Nord depuis quelques années. T'es comment avec ta fille là-dessus, sur Père Noël? Moi, à fond. Petite. Ouais. Mais ça a été un débat parce que ma meuf, à un moment, ça lui a pas pris longtemps, hein, mais elle disait est-ce que ça pourrait être marrant d'aller en Laponie? Parce qu'en fait, en Laponie, ils font vraiment un délire. Village, ouais. Du village du Père Noël. Oui, bah, il y a un peu d'argent. Ça va, on a compris. Oui, est-ce que c'est marrant? C'est surtout cher. Ouais. Bah, ça a été mon premier argument. Non, mais, et c'était de dire, moi, ça me va de mentir à ma fille en disant le Père Noël existe. Et à un moment, de dire, allez, ça existait pas, c'est la magie de Noël. Mais de dire, on est allé jusqu'à t'emmener en Laponie. Non, c'est hilarant. Pour te faire croire qu'il y avait un village avec un gars. En fait, tout ça est faux. Là, j'ai peur qu'elle me dise. C'était vraiment. Oui. C'était un gros mensonge. Ah, franchement, moi je trouve ça hilarant. Si mes parents ils avaient fait ça et qu'ils m'avaient dit, hey, surprise! Franchement, j'aurais tellement. J'aurais dit, mais vous êtes foualiés! J'aimerais vous éviter vous que ma fille pense que je suis foualié. Mais non, mais parce que c'est un des vrais premiers traumas de la vie. Tu trouves? Alors, justement, moi j'allais venir là-dessus. Parce qu'en vrai, moi je trouve que pas du tout. Ah, ok. Non, mais genre, je sais pas. Quand je repense au fait qu'on m'a annoncé que le Père Noël n'existait pas, je suis pas genre, oh mon dieu! Je me dis, ah bon, ok. Mais enfin, c'est pas vois, oui, toi aussi, c'est j'en avais rien à Je sais pas, toi, ça t'a choqué, toi, Maxence? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est le genre de truc qu'on dit parce qu'on l'a entendu et en fait, quand on y réfléchit, on fait, bah, c'est pas du tout un trauma. Mais j'ai l'impression que c'est même pas une nouvelle du jour au lendemain. J'ai non, c'est un truc que moi, tu c'est sens tout seul, oui. C'est exactement ça. On l'a jamais dit, moi. C'est que t'entends des gens à l'école le dire et puis tu commences à comprendre par toi-même dans un premier temps. Tu commences à dire, mais attends, c'est des conneries, non? Et après, limite, c'est une question que tu poses et tu dis, mais il existe et tu fais, bah non, c'est vache, je suis totalement. Tu fais la pogne à ton daron. C'est bah, bien joué, mec. Bien joué, mon régime. Dans la farine pendant toutes ces années. Bien joué, mon régime. Allez, je te resserre un coup. Je te resserre un coup. Bah. C'est une belle psychanalyse parce que j'avais pas réalisé que ça m'avait vraiment rien fait. Il y a plein de trucs, il y a des trucs comme ça qu'on dit. Il y a eu un effet placebo de trauma. Tu sais, on le dit parce qu'on l'a entendu plein de fois. Et en fait, quand tu réfléchis, tu fais, mais pas du tout, en fait. Je le répète parce que je l'ai entendu, quoi. D'ailleurs, les gars, Marilyn Manson, il s'est cassé les côtes. Hein. Oui, non, il s'est fait retirer. C'est fait retirer. Ok, j'ai la mauvaise info. Pardon. Ah merde, c'était une blague. Merde, j'ai raté. Allez, c'est pas grave, Adrien. Tu couperas ça. C'est encore top. Encore je top. Rigole. Alors, vous avez un point commun, tous les deux. Maxence, ton prochain album, tu as des feats. Oui. Tu peux les citer. Lisa Bryant, Julien Doré. Toi, Yoa, certains t'ont découvert avec ton featuring avec Giorgio. Oui. Effectivement. Alors, je vais vous demander une question toute simple. À votre avis, quel est le top 5 des duos qui ont vendu le plus de singles dans l'histoire de la musique française? Ah, trop cool. Française. Alors sachez que c'est des trucs un peu anciens parce que maintenant avec les streams et tout, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a, mon Adrien? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais dire Gainsbourg et Brigitte Bardot. Ils ne sont pas là. Ils sont pas dans le top 5. Ils sont pas dans le top 5. Et je voulais juste préciser que les streams ne comptent pas, sinon il y a plein de trucs récents. Ouais. Mais vous êtes des petits persos de BD. Oh, sur un petit ping pong. Je suis surpris là. Mais attends. Mais vous êtes fou, mais votre cerveau il va tellement vite. Comment vous et vous faites comment tous les jours nuit, ça? Oui. Non, une fois par semaine. Ah oui, ben je comprends. Après, on reste dans le noir une journée pour vous régénérer. Je retourne dans la vie la plus sinistre qui existe après pendant 10 jours. Arrête. Alors, le premier par exemple, je Moi, je pense Céline Dion et Garou sous le vent. Ah, très bonne réponse. Troisième. Et Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, j'irai où tu iras. Non. Je pète les micros que les casques que je viens d'acheter. Renaud Axel non, ils n'y sont pas. Attends, mais comment c'est possible? Hélène Segarra, Andrea Bocelli. Sur quoi? Oui, vous pouvez dans ça. Elle n'y est pas, elle n'y est pas. James Blunt et Cynic. C'est vrai. Mylène Farmer et Seal. Ah, elle y est pas, mais j'avais adoré. Ah, cette oui. Oh, putain, j'ai les belles chansons. Oui. Mais est-ce que. Alors attends. Non, c'est pas ça. T'as donc, sous le vent a quand même 700 000 exemplaires, je vous le dis quand même. C'est énorme. C'est un des duos les plus emblématiques de la musique francophone. J'aimerais une précision. Je t'en prie. Parce que t'as dit chanson française. Mmh. Est-ce que Seal et Céline. C'était. Mylène Farmer, ça compterait ou pas? Oui, ça compterait. C'est vrai que c'est plutôt. Donc, est-ce qu'il y a des artistes. Bah, Garou, Céline Dion sont tous les deux québécois. Mais francophones. Ah bah ils sont tous francophones. D'accord. Ah parce que c'est ça si la question. S'il chante en français. Ah non, il chante en anglais. Non, il chante en anglais. Voilà, mais bon, il y a pas de feat américain. C'était ma question tout simplement. C'était ma question. Voilà. Natacha Saint-Pierre, Pascal Obispo. À tes souhaits. Merci. Discernement très cartoon aussi. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai toujours à tchoumer comme ça. Pour quelqu'un qui a peur des rongeurs, on dirait l'éternuement d'une souris. Hélas. Ah, c'est un peu mignon. Là, c'est un trauma. Oui, voilà, littéralement. En revanche, tu as dit Jean-Jacques Goldman, Céline Dion. Il y a Jean-Jacques Goldman. Il y a un Jean-Jacques Goldman. Envole-moi. Pas Envole-moi. Non, Jean-Jacques Goldman Jones. Mais Envole-moi le featuring, Matt Pokora et Tal. Je te donne. Pas Je te donne. Il n'y a pas avec Michael Jones. Moi, à Springfield, Massachusetts. La vie coulait comme de l'eau avec. Il invente. Putain, c'est avec. C'est avec Carl Rousseau. Non, Frédéric, j'ai oublié son prénom. François. Frédéric. Frédéric. C'est son prénom. Non, mais vous vous souvenez de Frédéric Goldman Jones ou pas du tout? C'était leur trio. Oui. Voilà. Et c'est quoi? C'est Carole Frédéric? Non, je crois que ça y est pas, tout simplement. Alors, ça n'y est pas, mais je vais lui donner la réponse. Sinon non, mais va... c'est. Carole Frédéric, ouais. Voilà. Et ça fait. Vous ne voyez pas cette chanson? Pas du tout. Jamais entendu de ma vie. Après, vous n'avez pas plus de 30 ans. Non, mais quand même, ça va. Garou, c'est bon. Culture de gens morts, vraiment. Non, non, mais c'est pas mort. Je faisais pas du jeunisme. Attendez, je n'étais pas. Ta gueule, ta gueule. Pardon, allô, qu'est-ce que vous avez dit là? Non, mais Goldman, c'est une des plus connues en vrai. Belle de Notre-Dame de Paris. Oui, bien joué. C'est le numéro 1. Mais c'est ça, mais c'est évident. Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Garou. Ah, mais il y a des. Ça peut. C'est pas des duos du coup. C'est. Oui, c'est vrai. Bien joué, bien joué. Sinon, il l'aurait trouvé. Je me permets. Non, non, mais t'as raison. Non, pas du tout. Plus de 2,5 millions de disques. Rendez-vous seulement compte. Incroyable. Rendez-vous seulement compte. Ceci dit, Adrien, je te dis ça, mais tous les autres, c'est des duos. Ok. Voilà, il y a pas de trio. Attends. Il y a pas l'affaire Louis Trio non plus. Donc Goldman, un duo. Un duo avec Goldman. Goldman et... très connu, avec une femme. Mince. N'y va pas. Ah, mais j'ai pas son aucune nom. Aucune idée. Mais enfin, bah, c'est là-bas, c'est là-bas. Là-bas, c'est là-bas avec Sirima. Voilà. Donc, oui. Goldman, Sirima, là-bas. Ah, tu la connais pas celle-là? Ah non, je la connais pas. J'aurais mon cœur, j'aurais mon voix. N'y va pas. Là-bas. Là-bas. J'adore Goldman parce que, en vrai de vrai, et attention à tous les fans de Goldman. Il chante pas si bien, oui, mais c'est ce qui fait que c'est chouette. C'est vrai. C'est que tu dis, c'est un mec normal qui fait oh, allez, arrête. C'est pour ça que la voix, il peut pas. Il est sur la limite tout le temps. Oui, ouais. Mais moi, j'aime bien. Mais c'est ce que j'adore. J'ai cette limite là quand je suis en studio que j'essaie d'aller trop haut. Et à tel point que j'ai développé un personnage, Jean-Jacques Silverman, du coup. Vas-y. Au cœur un matin. Oh, il l'a. Ah non, il l'a. Tu sais, comme ça. C'est très énervant. C'est toujours qu'une note. Pardon. Non mais attends, ça te plaît. Yoad, exacte les imitations, c'est juste ça, on a découvert ça d'elle. Merci Wilson et Goldman. Non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Malade mental. Quand j'étais gamin. Mais c'est pas cette chanson. Non, jamais. On l'écoutera en entier. J'en attendais rien. Je vais te remettre le truc que j'ai chanté tout à l'heure. Chut, chut, par contre. La vie coulait comme de l'eau. Oh, c'est beau. Mais attends, le refrain, quand ça part, vous allez peut-être reconnaître. Je suis piégé dans un cauchemar. Attends, je vais avancer un peu. Non, je t'en prie, non. Ça, vous ne connaissez pas? Non, jamais. C'est peut-être Florent. Non, je te jure que non. Et alors, je déteste ce genre de musique, pour être tout à fait honnête. Goldman, il a tout fait. Il a fait de la country, il a tout fait. Comment il s'appelle le mec qui chante Great Balls of Fire? Tu sais, les trucs genre, blam, blam, avec du piano un peu festif. Ça Jerry Lee Lewis? Ouais, et bah c'est de la musique qui me touche pas du tout. D'accord, ça. C'est d'accord, trop... mais c'est pas la question. Hein. Non, non, mais je te dis pas, est-ce que tu l'écoutes tous les jours? Je te dis, est-ce que tu la connais? Je l'écoute pas non plus. Non, je suis un peu nul. Enfin, j'adore. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est dans la liste ou pas? J'adore. Personne la connaît, j'imagine que oui. J'adore Goldman, mais c'est plutôt les gros hits que je connais. Ouais, c'est un, là, hit. C'est un énorme hit. Non. Mais je te donne, il y a pas je te donne. Il y a pas je te donne. Zadie Axel Jones, c'est un feat. C'est un feat avec qui? Avec Jones, ah, oui, Michael Jones. Okay, pardon, non. Est-ce qu'il y a les enfoirés? Il y a pas les enfoirés. Ah ouais, bon. Non. Alors attends, donc des duos. Là, on en a combien sur 1, 2, 3. Il nous manque quel Le numéro 4 et la numéro 2. Est-ce mais que je sais pas si vous avez trouvé. Elles sont pas. Toi, tu peux peut-être les trouver, Adrien. Oui, c'est bon. Mixte. Oui, bon, c'est truc de vieux, t'as compris. Okay. C'est, écoute, pas la première, mais la deuxième est mixte. Ah. Et là, la première. C'est deux mecs. Lara Fabian Moran. Non. Ah non, mais elle est, ils ont vendu énormément. Elles ont vendu énormément aussi. C'est deux mecs, la 2. La 2, c'est deux mecs. Alors, qui date de 1990 pour plus d'un million de ventes. Y a pas un Johnny, y a pas un Johnny avec son fils. Milli Vanilli. Non, pas Milli Vanilli. Ah, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais. C'était, ils étaient trois. Ça aurait dû, je crois. Ah, autant. Ouais. Non, ils étaient deux. Ils étaient, ah non, mais c'était pas raison. Eux qui chantaient. Ils chantaient pas. Avec ouais. Ouais. Ouais. Un groupe, ça marche peut-être pas. Ah bah oui. Ouais, je sais pas. Non, c'est pas un duo. Non, c'est un duo. C'est un vrai duo qu'il nous faut. Mais alors, est-ce qu'il y a une grosse star parmi les deux? Alors. Franchement, sur le numéro 2, pour moi, c'est pas des gigantesques stars. Il y en a un qui est plus connu pour son travail d'auteur que de chanteur. C'est Didier Barbelivien. Voilà. Ah, c'est à toutes les filles qu'on voilà. a aimées. Ouais. Numéro 2, plus de 1 million de ventes. Ouais, ouais. Félix Gray, Didier Barbelivien. Pour les gens qui n'y connaissent rien à la musique telle que moi, comment ça s'organise un feat? Bah, c'est une question que je me pose. Mais en plus, nous, on est bien placés pour en parler parce qu'il s'avère qu'on voulait faire un feat ensemble. Oh. Et il s'avère que mon label, ils ont pas voulu. Oh là là. Et je l'apprends là maintenant. Et ils sont là, ils vont rentrer. Arrête. Je vais se cracher sur Maxence. Non. Ils l'ont reçu. Et j'ai déjà trouvé la personne pour te remplacer. C'est moitié vrai. Je comptais t'en parler tout à l'heure. Non. Non mais c'est vrai. Tu l'apprends là maintenant. Arrête de déconner. Non, je l'ai appris. Ah oui, j'ai eu peur. Il y a quoi. Je l'ai appris un triste soir de du 12 novembre dernier. Écoute. Comment ça se fait? Je commence à m'en remettre. Non. Non, mais c'est pas grave. Non mais comment ça s'organise un film? Non mais écoute, bah en vrai de vrai, des affinités. Ben ouais. Oui. Pas que apparemment. Bah non, là c'est il y a une histoire de label derrière. Oui, oui. Bon, il y a un petit froid, on va pas se mentir. Non, je plaisante. En vrai, non, mais parler de ceux qui se sont fait. Oui, peut-être. Oui. Par exemple, genre Doré, comment ça s'est fait? Doré, bah, comment ça s'est fait? Bien, merci. Sur TF1, Panda, la saison 2 bientôt. Oui, bien sûr. Non, bien mais sûr. Ça a joué sur ou pas? Ton album, ah, sur ton album. Oui, ça a joué parce qu'on s'est rencontrés comme ça. Voilà. Ils connaissaient ce que tu faisais ou pas du tout? Je crois pas. Ouais. Je crois pas. Donc c'est totalement grâce à Panda. Ouais, totalement. Ouais. Rencontre, affinité. Tu peux faire des phrases. Hein. Faire des phrases. Ah ouais. C'est pas Motus, hein. Tu peux. C'est vrai. Pyramide. Ah non, Motus, ça marche aussi. Pardon, je suis un con. Mot de passe. Ah non, je voulais dire pyramide. Ouais, mais on est potes en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu des affinités qui sont créées et une envie commune de faire un son ensemble et aussi bien. Simple que ça. D'accord. Comme bonjour, comme on dirait. Parce que moi, ma question, c'est par exemple, est-ce qu'il vient avec son test? Et je pose la question aux deux. Est-ce que la personne vient avec son test? Est-ce que vous avez un avis sur le texte qu'il a? Est-ce que ça dépend. C'est différent. Là, pour le coup, c'est moi qui écris le texte. D'accord. Ok. Je lui ai soumis la chanson avec le texte et en gros, bah, ça lui a parlé. Et du coup, il l'a un peu retouché parce que. Bon, cette chanson, elle est un peu dure. Elle parle du fait d'avoir peur de voir ses parents partir. Okay. En l'occurrence, là, c'est ma maman. Okay. Et du coup, bah, il s'avère que lui, pour le coup, il a connu ça. Okay. Donc, il l'a réadapté en l'évoquant au passé. Et c'est chouette parce que ça crée aussi un truc dans la chanson qui... On sent qu'il y a deux histoires qui parlent. C'est ça, c'est chouette. Et voilà. Franchement, je suis trop content. Et puis, ça a du sens parce que c'est une idole de jeunesse. Ouais. Ma mère, elle se souvient très bien de quand j'écoutais ses chansons et que je l'ai... Enfin bref, voilà, l'histoire est folle. Mais non, c'est différent. Pour le coup, bah, mon autre featuring avec Lisa, c'est vraiment juste. J'ai pensé la chanson comme un duo. Ouais. Et pareil, t'as écrit tout, les paroles? Ouais, pour le coup aussi. D'accord. Mais okay. En vrai, c'est variable. Ouais, ouais. Je pense. Toi, Yoa, ça s'est passé oui, oui. Comme... Ouais. Bah, moi, pour le coup, avec Giorgio, c'est lui qui m'a écrit. Ouais. Et qui m'a dit qu'il entendait ma voix sur un morceau. Enfin, qu'il aurait bien aimé avoir ma voix sur un morceau. Et il m'a demandé t'es dispo genre demain j'ai ah dit, oui d'accord oui vraiment ça s'est fait en, j'ai écrit le truc dans la voiture pour aller au studio et on a enregistré dans la foulée mais là c'est moi qui ai écrit d'accord par okay. exemple voilà d'accord donc en fait c'est vraiment du cas par cas quoi. Oui franchement ça dépend et c'est un exercice qui vous plaît moi de plus en plus ouais. Ouais je sais que avec du recul je comprends pourquoi ça me plaisait pas avant d'accord. Parce que je sais que sur mon premier album j'avais un peu besoin de me prouver. Parce que j'ai le sentiment que j'avais besoin de prouver aux gens, mais à moi-même, que j'étais un musicien et que j'étais crédible dans la musique. Oui, parce que toi, tu viens d'Internet aussi, il y ouais, avait un peu tout ce truc-là. Un peu. Du moins pour les gens, et ouais, c'est ouais. pour ça qu'aussi le premier album, je l'ai voulu très musical avec plein d'instruments. Ouais. Bon, il n'est pas moins bien. Hein. Ouais. Mais, et du coup, j'avais pas trop envie de m'ouvrir aux autres. Ouais. Et là, maintenant, j'ai trop envie de ça, justement. J'ai grave envie de partager maintenant que j'ai l'impression que je me trouve un peu et que je me sens légitime dans ce milieu. Je sais que j'adore cet exercice parce que bah, c'est une rencontre de deux univers. Quoi. Trop bien. Et j'ai un sacré univers. Hein. Bah, toi, que, alors, tiens, il est. Il est bien petit. À toi. Des il fois, petit, je mets le pull à l'envers au studio. Mais dommage qu'il n'y ait pas que ce soit que de l'audio. Parce que. Alors, je vais le dire dans les paroles. Un Airbus a été condamné depuis plusieurs jours à rester au sol. À votre avis, pour quelle raison? Un Airbus parce 2000 que... Je n'ai pas le numéro de l'Airbus. Ça, c'est Harry Potter, ça oui, Harry Potter, ah, oui, bravo. Condamné à rester au sol. Ah, mais. Oh non. Alors, pour l'avion, est-ce que c'est parce que les toilettes de l'avion ont débordé, qu'il y avait du. Alors, déjà, du caca. Je te remercie, t'as très bien cerné le ton de l'émission. Eh ben, figure-toi, quand je venais, j'ai stressé parce que j'ai écrit à Pyjama en lui disant putain, mais comment je vais faire? Je suis pas drôle et tout, j'ai pas d'humour. Et elle m'a dit juste pipi et caca. Oh. C'est tout ce qu'il faut faire. Elle m'a vraiment et juste en même temps, dit. C'est C'est il faut juste dire pardon, pipi est-ce caca. Qu'on a parlé de pipi et de caca depuis le début? Non, c'est moi qui ai parlé aujourd'hui là. Tu vois, c'est comme le trauma du Père Noël, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on dit alors que c'est pas tellement vrai. Mais elle surtout... a quand même un peu raison et en même temps, c'est même tellement temps, pyjama de dire ça. C'est bien vrai. Sûr. Faut qu'elle revienne d'ailleurs, la pige. La pige, hein, je l'appelle. La pigeuse. Alors, ce n'est pas de pipi, pas de caca. Elle aurait pu pas dire, mais si t'es marrante, ça aurait été mieux. Oui, c'est vrai. Pipi caca. C'est vrai. Donc, ce n'est pas du pipi, c'est pas du caca. On peut enlever vomi, tout. Ok, c'est. Mais donc du coup, il y a une détérioration. Exactement. Commise par un ou plusieurs usagers. Très dur à dire. Pas d'usagers. Pas à cause des usagers. Usagers. Enfin, de manière détournée, mais non. Par une personne. Quelque chose qui est arrivé. Là, je me suis fatigué. J'ai pas ouais, réussi à trouver. On pourrait se déguiser en la personne une fois déguisée. Ce que je voulais dire. Beau à voir. Oui. Le pilote. Ah, personnel. Pas serpent. Pas un serpent. Le serpent de mer de Léopold. Non, ça approche. C'est pas du personnel navigant. Pas du personnel navigant. Quelqu'un c'est quelque chose qui arrivait en soute. Un animal. Chien. On s'approche. Un animal. Pas un chien. Un animal exotique. Pas exotique. Un chat. Pas de jeu exotique non plus. Non, pas un chat. Un animal. Fourmilière. Pas une fourmilière. Un lapin. Un fourmilier. Un animal. Pas fourmilier, pas un lapin. On s'approche. Domestique quoi. Un rat. Non. On s'y est presque. Une souris. Un rat. Plus. Un raton laveur. Non. Quelle horreur. Plus proche des souris, plus sympa. Gerbille. Hamster. Ah, hamster. Des hamsters se sont enfuis et il faut les retrouver car ils pourraient ronger les câbles de l'avion. Bien sûr, c'est ce qui est arrivé à ma voiture. Ah ouais. Ah non, mais il vous le donne en mille. Mais, non. De quoi? Je l'ai une anecdote qui était sans doute nulle. Donc... c'est autocompté. On va pas comme ça. Non, on va couper. T'as pas eu un souci de décollage récemment? Non. Ok. Ah oui, si, pardon. Ouais, mais c'était pas intéressant. Non, c'est juste que vous avez sûrement déjà vu sur TikTok des TikTok de trucs qui se passent dans l'avion avec des gens qui s'engueulent et tout. Et j'ai assisté à ça. Mais ah ouais, en vrai, parce que, souvent, parce que sur TikTok, 99% du temps, c'est faux. C'est des gens oui, qui jouent à la comédie, mais là, c'était... mal. Ouais, mais des fois, quand il y a du sang, c'est vrai. Là, c'était pas le cas. C'était pas le cas, là. Mais c'était une dame qui, visiblement... n'avait pas toute sa tête. Ah oui, et qui a fait un peu un scandale parce qu'elle voulait pas s'asseoir à côté d'autres gens. Oh. Et du coup, les autres gens ont dit j'exige de changer de place, je ne veux pas m'asseoir à côté de cette dame qui nous agresse. C'était faux, elle les avait pas agressées du tout. Donc tout le monde en faisait un peu des caisses. Et du coup, en fait, tant que tout le monde n'est pas assis, tu décolles pas. Et est-ce qu'il y avait un silence glacial pendant ce moment-là où y a des non, gens... parce qu'il y avait un gars un peu au fond qui faisait oh, ça va là. Je suis ce mec, non. non, je vous le dis, je suis ce mec. Ça n'a pas duré assez longtemps pour que je sois cette personne. Mais parce qu'en fait, ils ont emmené la dame. À une minute près, il l'aurait fait, je suis sûr. Non, mais. Non, et alors, le dénouement terrible, c'est qu'en fait, donc j'étais à une rangée avec trois sièges. Et en fait, j'étais avec une dame et au milieu, il y avait personne. Non. Donc j'étais trop content. Genre, waouh, je vais être trop à l'aise. Et en fait, comme ils ont déplacé les gens à côté de qui la dame ne voulait pas s'asseoir, ils l'ont mis entre nous deux. C'est et du coup, la dame qui était à côté de moi a gueulé parce qu'ils ont fait asseoir le mec qui déjà s'est fait virer de sa première place. À côté donc il y a eu un peu un effet domino de gens qui gueulent. Et j'étais genre, madame, calmez-vous quand même. Non, mais c'est pas grave, hein, parce qu'elle a vraiment, le mec il s'est fait virer. Et après, elle disait, oh bah super, donc c'est nous qui subissons et tout. Et elle disait, le mec ça, disait, bah, c'est pas de ma faute. Moi je déteste quand il y a quelque chose un peu relou qui se passe, genre à un endroit. Et que les gens saoulés cherchent de la connivence. Oui, avoir ton horrible. Regard. Tu dis, non, mais ils pourraient ouvrir une nouvelle caisse. Hein. Et tu sais, ils cherchent que tu dises, c'est vrai qu'on attend de plus en plus dans ce Carrefour City. Et tu vois, je ne joue pas à ce jeu, donc laissez-moi tranquille. Et en plus, je me sentais mal parce que le gars, il venait de se faire virer. Et du coup, moi, je surjouais le côté, au contraire, accueillant et tout. Genre, je lui ai tenu sa ceinture et tout, genre, pour pas qu'il s'assoie dessus. Et j'ai eu l'impression de le saouler quand même. Genre, j'ai l'impression que dans sa tête, tu dis, oui, bon, bah ça va, n'en fais pas des caisses non plus, quoi. Donc, vraiment. Il n'y avait pas de bonne solution, quoi. En tout cas, oui, les hamsters se sont enfuis, mais pas genre un hamster. C'est pas deux hamsters. C'est 200. C'est 132. Waouh! Mais attends, quelqu'un transportait 132 hamsters? Ouais. Un mec qui voulait. Un maniaque, certainement. Ouais, c'est ça, exactement. Richard Gere. Impossible. Ils se sont échappés des caisses dans lesquelles ils étaient transportés en soute, selon le média local portugais Correio de Mana. Cela fait 4 jours, samedi 16 novembre 2024, que les équipes de maintenance courent après les petits rongeurs perdus dans l'immense avion. Certains sont toujours introuvables. Ce qui empêche l'appareil de décoller, car voilà, comme je dis, l'hamster peut ronger les systèmes électriques en plein vol. Et là, ça serait vraiment... Interdire le commerce d'animaux, et voilà. Il faut s'assurer avant cela que plus aucun animal soit en liberté dans l'avion. Voilà, sale histoire. Bonne idée de costume, du coup, pour l'anniversaire. Ouais, mais 130. Tu te déguises en 132 hamsters. J'ai une dernière question, et après on passera à un petit jeu, et pas n'importe quel petit jeu. Maxence est venu avec un petit jeu. Maxence nous régale. C'est son autre chaîne YouTube. Maxence nous régale. Après Maxou le Zozo, Maxence avec deux S. Et Maxence briefe les vieux. Ouais. Ah, tu viens de le dire. Ouais, allez. Savez-vous ce que sont les bravos d'or? Non. C'est la monnaie de. C'était la bonne réponse. Je l'ai inventée. La monnaie de Christine Bravo. Non, j'imagine que c'est une récompense. Ça, ça peut être le titre. Tu vois, la monnaie de Christine Bravo. C'est une récompense. Mais quelle récompense? Le meilleur public d'émission télé. Non. Alors, ça, tu t'approches par contre. C'est en termes d'émission télé. Les gens qui applaudissent le plus fort. Non. Mais c'est à bâbord en tout cas qu'on gueule le plus fort dans le bus, ça je peux te le dire. Oh, mais... à tribord quand même, ça se dépend bien. À l'arrière aussi, hein. Ça... bon, ça dépend si le chauffeur est chauffeur. Et champion. Champion et qu'il appuie sur le champignon. On fait la même chose. C'est... Champignon, c'est le vraiment l'accélérateur. Ouais, c'est oui, ça. Mais... quoi, la forme? Peut-être, j'en sais rien. Pardon. Bon, un petit univers de gnome. C'est étonnant. Donc les bravos d'or, tu parlais. Petit univers de gnome. Ça peut être le titre aussi. Mais après, il faut savoir que maintenant, quand on dit ça peut être le titre, c'est jamais Florent ça. Ne choisit jamais oui. ça. Mais parce que c'est mon petit challenge. C'est mon petit challenge. Là, je me suis tiré une balle dans le pied. C'est moi qui l'ai rajouté. Ouais. Non, ça je l'ai. Ça peut être le titre. Ouais, mais je l'avais dit dans. Ah, enfin, et pour écouter. Et pour écouter. Et si le titre c'était ça peut être le titre. Oh non, mais là, la méta. C'est comme quand il va dans une soirée déguisée là. C'est pareil. Trop méta. Trop méta. Un twist. Alors, tu disais meilleur public d'émission télé, ce n'est pas la bonne réponse. Rien à voir avec Christine Bravo. Rien à voir avec Christine Bravo. Les Bravo d'or, c'est un rap. Meilleur public de concert. Alors, de c'est pas un public, quoi. C'est pas par rapport au public, okay. C'est plutôt à l'aspect télé. Bravo, le nom est un indice sur le truc ou pas tant? Pas vraiment. Pas tant, d'accord. Bah, la meilleure blague non. à la télé. Alors, c'est une cérémonie. Ah. Donc. Pensez plus large que la meilleure meilleur blague. Meilleur présentateur de télé. Alors pas les meilleurs présentateurs de télé. Est-ce que c'est un truc un peu sarcastique? Cela genre... dit, attendez, je te dis non, mais peut-être ça fait partie des trucs. Bon, je vais vous donner la réponse. Vous êtes autour. Non, hein. Mais c'est genre les récompenses de la télévision, comme les 7 d'or, les trucs comme ça. C'est ce okay. qui va remplacer les 7 d'or, mais pas que. Et c'est là où attention, tu vas voir, ça nous concerne. Les télé-loisirs d'or aussi. Une cérémonie pour les émissions de télévision, mais pas que. Nagui, le Nag, hein, comme on l'appelle, va présenter en janvier sur France 2 une nouvelle émission intitulée Les Bravos d'or, conçue comme une cérémonie pour récompenser les plus gros succès culturels de l'année écoulée, tout art confondu. Mmh. Donc c'est pas un jury. Ça peut être dedans. Eh ben tu vas voir. C'est pas un jury, c'est pas. C'est les trucs qui marchent le mieux. Mmh. D'accord. Et là, c'est même la fierté de Nagui de dire c'est pas un jury de certaines personnes qu'on connaît pas ou quoi que ce soit. Là, on va récompenser ce qui fait le plus d'audimat. Ah, okay. Ah, et il y a les podcasts ou pas? Il y a Legend. Il va co-présenter. Bah, c'est ça. On est en clash avec Guillaume Play. C'est ça qui va se passer. C'est ce jeu, ça se joue entre Guillaume Play et nous. Parce qu'en fait, dans les différents. Mais on n'est pas nominé. Mais tu vas voir, tout le monde de la culture sera représenté. Cinéma, théâtre, télévision, musique, radio, livre, streaming et podcast. Incroyable. Mais on sera jamais dedans. Bon, déjà, évidemment qu'on n'y sera jamais. Le Paris Adrien. Podcast Festival, ils nous ont pas invité une seule fois. Imagine Noël. Faut non, ils nous ont invité quand on commençait à cartonner. Oui. Non, mais ils ne nous inviteront évidemment pas. Mais ce serait hilarant qu'on soit dans les nommés. Franchement, il y a bien le Zapping Amazing 2. Oui, donc ça peut marcher. Ah ouais, oui. Ça peut marcher. Donc cette émission ne sera donc pas une élection, mais dressera un constat du succès public. Il n'y aura ni vote ni jury. Les récompenses seront basées sur la mesure du nombre d'entrées ou de ventes, des audiences, etc. Un positionnement populaire que Nagui revendique. Ouais, mais de toute façon, nous, nos audiences, elles sont pas publiques, donc. Non, mais je pense qu'eux, ils peuvent y avoir accès, non? Bah, je sais pas. Parce que moi, je me souviens qu'une fois, j'avais regardé le classement des podcasts les plus écoutés. Mm-hmm. Et genre, ils disaient numéro 1 avec tant d'écoutes par an. Et je disais, bah, ça, c'est ce qu'on fait en un mois, quoi. Ouais. Et en fait, jusque nous, c'est pas public. Je crois qu'il y a un truc aussi, par exemple, Apple, désolé, hein, c'est un peu métier, c'est un peu cuisine, hein, ce que je suis en train de vous proposer. La popote. La popote de Flo. Machin. La popote YouTube, à Flo, t'achètes. Mais qui est aussi animé par Maxence, qui est fou d'ailleurs. C'est que nous, on est très vieux aussi. C'est-à-dire que Apple Podcasts, par exemple, ils mettent vraiment en avant les podcasts récents qui ont un gros boom. Tu vois, là, par exemple, dans les numéros 1, il y a la nouvelle émission de Radio Nova avec Meurice et compagnie parce qu'elle est nouvelle et elle fait beaucoup d'audimat. Ouais. Donc, il y a un truc de gros boom. Et pareil, Spotify, ils mettent en avant leurs émissions vu qu'ils produisent des émissions. Donc, bah, c'est vrai. Mais ça dénonce. Bah non, mais je dénonce. C'est Magouille et compagnie, en fait. Bah, de toute façon, c'est le macaron. Enfin, bon, bref. Mais, donc, voilà, c'est pour ça que des fois, nous, on n'est pas d'accord. Mais c'est vrai qu'on fait. Ça change pas le nombre d'audience, quoi. Bah, c'est plus mis en avant. Mais oui, ça change pas l'audimat. Je suis d'accord. Donc, je sais pas comment Nagui. Parce que c'est lui, pour moi, c'est lui qui va tout faire. C'est pas comment Nagui qui n'hésite pas à nous appeler pour qu'on lui donne. Envoie-nous un DM, Nagui, si tu veux. Voilà. Donne les chiffres. Mais je pense qu'on fait quand même moins que. que Guigui Play. Malheureusement, ouais, je pense que Guillaume mais nous je fume. Je savais même pas qu'il avait il a des émissions encore Guillaume Play. Moi je débarque ça me dit. Ah oui, d'accord. C'est un énorme youtubeur, un énorme podcasteur, hein. Il est dans les numéros partout. Et un énorme mec super aussi. Enfin bref, oui. il a tout. Il a beaucoup de qualités. Ouais. Il a énormément de qualités. Vous êtes comment face aux récompenses? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait plaisir si là, demain je vous dis écoute-moi Maxence, écoute-moi Yao, ya, écoute-moi, faut que je te parle déjà. Yao, c'est pas grave, c'est mon alter ego Yao. C'est ce que je dis tout le temps. C'est ton toi maléfique. C'est mon moi maléfique. Mes copines, elles me disent tout le temps Yao, elle m'aurait jamais fait ça. Excuse-moi Yao. Et donc il y a la victoire de la musique qui vous appelle, le NAG, encore une fois, qui vous dit révélation, vous êtes la révélation musicale de l'année, machin et tout. Est-ce que ça vous remplit de joie? Est-ce que bon, ça me fait plaisir, mais vraiment je... C'est un bonus. Oui, voilà, vraiment je m'en. C'est bonus, mais j'ai l'impression que c'est important. Ouais. Pour le. Alors oui, pour les concerts et tout, et pour le public, c'est important. Mais c'est comme au ciné, quoi. Tu veux, si t'as la palme ou si tu sais que c'est sélectionné, tu vas le voir et. Enfin, j'ai l'impression que ça reste important. Pour la promo, tu veux dire. C'est bien pour la promo. Oui, mais... ça permet de toucher un nouveau public, c'est ça. Bah que ouais, dit. C'est sûr. Après, effectivement, le fait d'avoir un prix, je pense que c'est cool, mais j'y compte pas. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même assez important. Oui, moi je vois ce que. Ouais. Par exemple, les Césars, je m'en fous parce que c'est une fois que le film est sorti. Mais les trucs, quand on a eu le truc de l'Alpe d'Huez, c'était important parce que je me dis cool, ça fait un prix et peut-être les gens. Ça fait un lancement. Parce qu'en plus, c'est avant que le film sorte. Oui, nous, donc forcément, les gens se font un avis. C'est ça. De ah bah non, ça. Oui, bien sûr. Je pense qu'il peut y avoir l'effet inverse aussi. Vous avez eu des moments de rencontre avec des artistes où ça vous a marqué Ouais, des artistes que j'apprécie beaucoup qui me disent qu'en retour, ils apprécient. Ouais. Un morceau ou deux, franchement, c'est super précieux, forcément. T'as eu ça aussi? Oui. Et c'était que des gens, pas forcément qui sont très connus du grand public, mais qui. Enfin, j'ai eu trop de chance, j'ai pu bosser avec la chanteuse de The Do, qui était un groupe que j'aimais tellement. Je les ai vus en concert, dis-toi, j'adore The Do. Et on a pu bosser ensemble parce qu'elle aimait bien ce que je faisais et ça m'a vraiment. Je me souviens, ça m'avait. J'avais vraiment l'impression, enfin je sais pas, c'est trop bizarre parce que c'est tellement des trucs, quand t'étais tellement fan de quelqu'un, c'est tellement pas possible que tu le rencontres, enfin ça paraît tellement absurde, donc c'est vraiment, ça fait vraiment quelque chose. Oui, il y a un peu un truc je trouve quand tu vis ces moments-là de dédoublement. Complètement. J'ai envie de dire, il y a Yoa et Yao du coup à ce moment-là. Oui. Parce qu'il y a la personne qui dit, mais... J'avais tellement pas prévu ça dans ma vie, croiser tel acteur, ou dans ton cas des chanteurs, des chanteuses. Ils sont presque durs à vivre, à apprécier pleinement. Parce que t'as toujours un petit recul bizarre. Ouais, t'as vu ça aussi? Ouais, tu te dis c'est pas normal. Et complètement. Ouais. Et ta réaction est toujours nulle parce que t'es toujours. Merci. Exactement. T'es un peu. Tu peux pas parler d'égal à égal à ce moment-là, t'es toujours un peu dans. Ah, mais. Ça même avec des gens dans la rue, moi je sais que je suis... Oui, c'est dur de prendre les compliments. C'est dur. À chaque fois je me dis mais je dois être ridicule. Merci, tu sais, je regarde par terre. Mais en même temps, il y a pas grand-chose que tu vas pas dire. Oui, c'est vrai que je suis chambé. Ouais, c'est pour ça que tu dis bah regarde, mon polo est à l'envers, tu t'enlèves. Oui, c'est pour ça. Tu détournes l'attention toi, c'est ça qui est cool. Ah oui, c'est vrai, je retire. Il met peut-être des polos à l'envers mais il crée des super jeux aussi. Et on va tout de suite se faire le petit jeu de Maxence. Alors déjà, est-ce que tu peux dit petit jeu, c'est un énorme c'est jeu. C'est un énorme jeu. Il y a vraiment du travail. C'est une chasse au trésor dans tout Paris. Allez, mettez vos pompes ensemble. Il faut trouver 132 hamsters. Qu'il a dissimulé partout dans Paris. Ah oui. Sous la neige, c'est compliqué. Attention. Heureusement qu'elle tient pas. Est-ce que tu peux nous dire le concept du jeu? Je vous contextualise. J'adore déjà. Moi, déjà, avec un jeu, déjà, c'est plus beau cadeau. C'est déjà, c'est juste ça ma réussite. C'est ma récompense. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est superbe. Le concept est simple. J'ai imaginé des featurings avec des jeux de mots. Oh là là. Tu veux ou mots valises. C'est des featurings improbables. C'est quoi mot valise? On va pas donner d'exemple sinon on va peut-être spoiler, mais c'est genre la dernière syllabe d'un prénom. D'accord. Et le début de la colle avec la première syllabe c'est d'un autre. C'est tiré par les cheveux, mais en gros voilà. Je pense que tu vas jouer, tu vas tout de suite comprendre. Vous allez voir, Max ancestral. Oui. Voilà. Ancestral, Max ancestral. C'est quoi le rapport avec Panda sur TF1? Je parce que ça va durer tellement longtemps que après les gens diront c'est ancestral cette série. Bien sûr. Vous allez voir, il y a des extraits qui sont très courts, très simples. Il y a des extraits qui sont plus longs. Il faut trouver les deux artistes. Il y a un point par artiste trouvé, sachant que c'est toujours en français, et un point par jeu de mots trouvé. Alors attends, j'ai besoin après, de quelques précisions. On compte pas vraiment les points, on compte pas vraiment les points. Non, si je vais les compter. Ok, compte les points. J'ai besoin de précisions. Les jeux de mots ou les mots valises reposent sur quoi? Sur titre, le nom des artistes. Le nom des artistes. Le nom des artistes, ils marchent ensemble. Vous allez voir, il y en a. C'est différent de Jean Lagonane qui lui marche seul. Oui, il marche seul. Non, ça n'a rien à voir. Vous allez voir, il y en a. Le nom est vraiment plus drôle que mon extrait. Ok. Je préfère vous prévenir. Ça va être très long. Il y a 17 extraits. C'est enregistré tes extraits. Ils sont sur mon ordinateur. C'est Florent. Je laisse lancer. T'as enregistré des trucs. Il les coupe quand il veut. Je te laisse parce qu'il y a. Il y en a qui dure 4 minutes 52. C'est incroyable. Je t'ai pas dit, il faut venir avec un jeu. Là, je pense à un nombre. Que tu saches, Yoa, on entend la deuxième heure du podcast. Attention, pour tous mes amis audiophiles, c'est pas mixé. Bien sûr. Oh. Attention. On va commencer avec le premier. Oh, je lance. Oui. Vous pouvez dire. Zep Daft Punk. Oui. Mais je vais avoir 0 points. Vous allez trop vite pour moi. Bien joué. Putain, mais quel. Mais je les veux, hein. Je veux les. C'est génial. Je les mettrai sur un SoundCloud. Putain. Tu peux mettre un peu plus fort? Bien sûr, je peux. Merci la régie. Je vais t'embrasser comme du bon pain. Allez, tu peux passer à l'extrême. Hamzaz! Oui! Oui! Hamzaz! Oh, j'avais que Zaz. Putain, trop bien. C'est hilarant. Est-ce qu'on peut les mettre dispo pour les gens? Je vais pas te serrer la main, je vais juste la prendre. Okay. Non, juste comme ça. Juste te tenir la main, je voulais. Vraiment ma réussite là. Voilà, on parlait d'être adoubé, tu vois. Adoubé Photoshop d'ailleurs. Alors, attention. Oui, oh, c'est fou parce que tu fais la blague et après j'ai la blague. Et en fait, il vient de la faire. Les mecs, serre-moi la main en fait. Ah. Mais deux mots envie qu'on joue que tous les deux. Deux mots envie qu'on joue pas la secouer, pardon. Attention. Quelque chose de doux. Attention, le troisième. Nouvel extrait. Et puisqu'on est chez les coins. Oui, c'est tellement drôle. Puisqu'on est qu'avec fiant, tentant d'être à genoux. Putain, quel plaisir. Ah, je suis ravi. Quel plaisir. Je suis Charlie Dumont. Il y en a 17. C'est pas assez, je te dis tout. Ah ouais, vraiment? Ah non, je rigole. Les, que je veux que ça dure c'est toute la de vie. Moins en moins bien. Ah mince. De moins en moins agimable. On peut préférer de plus en plus, attention. C'est pour ça. Attention. Le suivant, il peut être un peu dur. Ah, l'instru, vous l'avez. Ok. Faut se concentrer. Il y a de la créa au niveau du. Voilà. Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Eminem. Tout en espadrille à clous. C'est ça. Eminem, ma chérie. Ah là là, c'est drôle. Ah, c'est drôle. En parlant de Jean-Yves, ma maman a compris qu'elle quitta pour Henri, et oui. Mais je me fous de ça. Mais c'est surtout tellement beau que ça me fout pas envie de rire. C'est hilarant. Je suis un machiste adore et je crois qu'elle m'adore. Non, y'a pas d'erreur. Oh, machiste adore. Je suis un machiste adore et je crois qu'elle m'adore. Non, y'a pas d'erreur. Oh, machiste adore. Tu l'as fait vraiment pour nous? Oui. Il faut m'imaginer ce matin encore dans mon appart à essayer de pas réveiller ma meuf qui est là comme ça. Ridicule. C'est extraordinaire. C'est trop drôle. C'est adorable. C'est... Franchement, là, je. Non, c'est toi, c'est toi qui est adorable. C'est toi qui est adorable. Ouais, bon, les neiges, adorable. En plus, c'est Noël. Ouais, non, mais c'est Noël ou c'est l'anniversaire de Yoa? Je sais plus. Attention. C'est le mien là. C'est parti. J'aimerais trop qu'elle m'aime. Queen V. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Mais elle. Qu'est-ce que c'est drôle quand en plus le gars chante bien. Super bien. Est-ce que vous savez pas, c'est que ça dure 5020. Là je mets qu'un extrait mais c'est. Ok, la suivante. Alors, précisons sur la suivante. Yoa, je pense pas que tu l'aies. Ok. Wow. Je le prends comme un compliment, ça veut dire que je suis jeune. Oui, je franchement, très bien. Je le prends très bien. Je te laisse imaginer du coup l'inverse, à l'opposé du spectre. Comment je me sens? Non, je vais expliquer. C'est pas. Il y a un des deux, c'est pas un artiste, c'est plutôt une des phrases. Ok, bon. Vous n'en dites pas plus, je pense que c'est un artiste. Tu es tilté, tu es tilté, Boubou. Ah, Michel Sardoche. Tu as besoin de vol, afin de conquérir. Non, tant mieux. Aïe. Non, non, mais c'était le au, en live à Avignon. Ouais. J'avais chanté, tu sais, le mais c'était sûr en fait. Et je l'avais chanté incroyable. Avec la voix de Sardou. Incroyable. Nouvel extrait, attention. C'est le petit bonhomme. Pas de Sting Sébastien ? Non. Mais t'as les deux. Ah, c'est deux points déjà. Patrick Sébastien ? Oui. J'ai comme la chanson douce. C'est presque bien, je trouve ça. Oui. J'allais dire tout sur son de Maxence. Aïe aïe aïe. La petite. Maxence Zouzou, tu confonds. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est mon alter ego. Attention. Ah, elle. Nouvel extrait. Non, pas très pas... assumable. Ah. Si, si, si. La Zoubida, hélas. Allez. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Metallicana. Oui. Oh, et la Cana, j'ai pas rien des deux. Metallica et Cana. Ah, bien sûr, oui. Metallica, oui. J'ai Cana. Non, Cana. Moi, j'ai des petits problèmes dans ma plantation. Banane, ça pousse pas. Oh, c'est génial. Les gars. Je suis obligé de le mais dire. Mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Il faut. Tu connais pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. C'est un peu vieux, hein. C'est un peu vieux, je crois. Ça a marché 3 semaines. Ouais. Faut vraiment le rendre dispo aux gens. Moi, j'ai planté mais c'est pas parce que c'est chanson. En fait, c'est chanson, tu as des conseils. Oui, oui. C'est des rasta blancs qui chantent. Oui, j'allais dire, ils sont blancs, évidemment. Ils sont évidemment blancs. Ils essaient de pousser plein de choses. Oui. Le seul truc qui pousse, c'est Cana. La ganja, mon pote. Ouais, ouais, d'accord, ok. D'accord. Il a des petits problèmes dans sa plantation. Voilà. Ouais, putain, bien sûr. Okay. Ouais. Attention, nouvel extrait. Très court. J'ai pas les paroles, putain. Si, il est suisse, je ne connais que lui, évidemment. C'est le Johnny Suisse, je ne connais que lui. Ça peut vous aider. Je ne connais que lui. Attends, le Johnny Suisse. Mais ouais, oui. Les paroles sont peut-être pas très compréhensibles. Si, attends, si, si, remets. Putain, mais comment je peux pas la voir? Oh, je n'ai en paix. Stéphane Osher, Stéphane Osher. Putain, Stéphane Osher. Je l'accorde. Non, Adrien. On a tous les deux. C'est le vrai. Stéphane Osher, j'adore. Je te sers la main aussi. Ah oui, sur moi la main, avec plaisir. Je vous mets 3 points chacun, ok? Déjeuner en paix, une de mes chansons préférées. Ah bah voilà. J'espère que je vais rendre bien hommage. Tu dois adorer, toi, justement, le duo, tout se recoupe. Arnaud, Stéphane Escher, ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. Reprise. Bien sûr. Et ils l'ont changé au final ou... Parce qu'elle est en anglais. Ils l'ont changé. Ah, okay. Ils l'ont changé en plus. C'est méta. C'est méta. Mais la chanson originale est déjà géniale. What you done to my song. Elle est vraiment bien. Personne. Non, j'ai aucun de deux. J'ai le groupe, mais... Ah ouais? Parce que moi j'ai l'autre. Attends. Bah, les paroles? Ouais? C'est qui? Bah, viens, attends, on va vous laisser. Attends, vas-y. Attends. Etienne Dao, System of Dao. Oui! Tellement drôle. Ah, mais bien sûr, d'accord, ok. Nagui va nous filer quand même le bravo. Là, j'espère avec ça. Ah, franchement, tu fais un miss avec nous. François Hollande, il fait pas ça dans son podcast. Hein. Attention. Pardon. François Hollande a lancé un podcast. C'est vrai? Ouais. Et on le reçoit la semaine prochaine, je t'ai pas dit. Attention, nouvel extrait. Les bonbons sont remplis de cocaïne, d'acatine. Alors le texte je l'ai pas mais bah moi j'ai un artiste mais Zao de ah oui ah bon c'est son jeu c'est lui qui décide les points. Ça fait un point par artiste et 3 points avec le jeu de mots. Zao non bah non Amzao non c'est Niska c'est Gazo de Sagazan. Ah oui. Elle est bien très sûr. Bien. Ouais. Gazo de Sagaz. C'est Drill FR4. Mais oui. Il n'y a oui. que des titres pour le. Ah, mais il y a du hit. Hein. Que c'est drôle. Gazo de Sagaz. Gazo de Sagaz. Gazo de Sagaz, c'est hilarant. Mais ça donne la réponse au jeu. On ne peut pas mettre ça en titre. Oh, si. Pour une. Pour un en plus, on ne l'a pas trouvé. C'est drôle. Alors, et peut-être qu'elle écoute le podcast. D'ailleurs, on a vu qu'elle nous follow sur Insta. Donc, si elle nous écoute, on la salue. On l'embrasse bien fort. Désolé, Zao. Bah, attends, regrette, il regrette. La prochaine, je ne l'assume pas. Ah. Ça, la dernière fois que t'as dit ça, c'était. Non, mais attendez. On va s'en régaler. Non, je on va s'en régaler. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. Elle arrive derrière, il est fourraille. Lumière dans le cul. Tu veux me sucer? Mais qu'est-ce que c'est? Mais il est fou, Bigard. Mais Bigard, il est fou. Il a besoin d'aller chez le psy, là. Il a besoin d'aller de consulter. Mais attendez, c'est ça, Bigard? J'avais jamais entendu de ma vie. Alors, c'est un florilège. Mais déjà, il fait de la chanson. C'est incroyable. Il a fait de la chanson. Avec Lola Marois. Mais avant, il a fait le poil de cul sur la savonnette, quand même. Non, mais il a fait la chanson qui s'appelle La La La. La La La. Voilà. Et là, en fait, c'est une reprise qu'a fait Maxence. C'est un classique. D'un truc qui s'appelle Le Florilège de Jean-Marie Bigard. D'accord, ok. Malheureusement, hein, je le répète, la vidéo la plus drôle de l'histoire de YouTube. Ouais. Et on se réécoutera cette chanson. Est-ce que tu peux. Oui, ok. Ouais, on remet, j'allais dire remet, mais bon. On se réécoutera à la fin. Ah, c'était. Pour le c'est quelqu'un qui a pris ses spectacles, qui a pris. Qui a fait et qui a fait un compil de tous les moments vulgaires. Voilà. Non, mais c'est et pas bien. Voilà, et dis-toi qu'il y en a quelques-uns. Oui, oui, mais je l'entends. J'ai entendu. Alors là, on rentre vraiment dans l'étape où les noms sont plus marrants que les extraits. Okay. Mais ça me va, ça me va. Voilà. Très bien. Yeah, yeah, yeah, yeah. Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place. Je suis pas certain de pouvoir éviter la casse. J'ai trouvé Tom Fragé. Ouais, Tom Fragé. Tom Fragé, ici. Et ça marche bien, écoutez. Les bacs, c'est là. Franchement, j'avais pas Tom Fragé. J'avais pas de Tom Fragé. Non, mais j'étais étonné, la mélo marche. J'ai découvert, voilà, je sens. Vous vous coucherez moins bête. Génial. Je le dis. Alors, on le met en bio, vous pourrez télécharger toutes ces chansons. Avec grand plaisir. C'est pas mixé, hein, je peux faire préciser. Et mon EP est vraiment mieux. Vraiment. Là, c'est pour le rire. Sérieux, ça parle de trucs très deep. Voilà. Et pas que, on s'amuse aussi. On dirait moi quand je fais Ivanel et que je fais le podcast à côté. Ouais, non, mais attendez, exactement. On rigole, mais. C'est un peu l'histoire de ma carrière. Le prochain, je précise, c'est très con. Ok. Jusque-là, c'était. Top Rat Jay-Z, c'était l'Académie française. Non, mais le prochain, dans les deux, c'est pas un artiste musical, c'est un descriptif. De qui il est, c'est une bio. Tu fais trop d'intro. Laisse les gens se régaler. Ouais, mais moi je suis heureux. Je fais les canulars sur les chansons. Allô, c'est Madame Ledoux. Des caméras cachées. Dis la fesse. Oui, clairement. Oh, en l'air. Contribue au personnage d'un sacré reporter qui faisait des tournages en se moquant des gens, mais toujours gentiment. Fallait pas qu'on reconnaisse. Je suis d'ici la fesse. Fallait pas qu'on reconnaisse. Je suis d'ici la fesse. Je suis d'ici la fesse. Ça me régénère. Une drogue. Là, on arrive en plus. Il en reste 4. Ouais, il y en a. Oh là là. J'aurais pu en faire. J'avais une liste si vous saviez. Mais tu reviens la semaine pro. Ok. Avec François Hollande. Je reviens toutes les semaines. C'est vrai. Ta petite chronique. Et... Je peux même vous les envoyer si vous voulez. Oh là là, vraiment. Quel bonheur, putain. Allez, nouvel extrait, les attention. Les max up. C'est mash up et max en. Ça me plaît. Les max up. Ouais. Les link up. Sur Rire et Chanson, les max up. Jeune demoiselle. James Punk. Le nom complet. De l'artiste. Ouais. Le Pharrell. Pharrell Williams. Pharrell Williams. Oui. Attends, mais c'est pas James Punk feat Pharrell. Oui, bon. Ah. C'est le jeu. Vas-y, t'es largement en tête. C'est pour faire rigoler. C'est pour faire rigoler. Écoute, c'est Noël. Adèle. Ah bah Faudel. Faudel Castillon. Oui. C'est drôle. J'avais aucun des deux là. je t'ai mis un point pour toi. Claudel Castillon. Non, mais je m'embrouille dans le point, c'est pas correct. Il y en avait, je vous dis, les jeux de mots étaient tellement forts, mais tellement impossibles à faire que. C'est ton défi pour la prochaine fois, tu les vois. Ok. Alors, il en reste deux. Attention, l'avant-dernier. Il faut les savourer. Je suis sur la route des vacances et je sais pas ouvrir les vitres. Pourquoi les murs ont ta présence? Pourquoi les livres ont des chapitres? Putain, j'en ai qu'un. Moi aussi. Trois ans, j'ai jamais trop su compter. Vous allez peut-être avoir le refrain. Si, si, ouais. C'est quoi ouais. cette course sans gagnant? Mais là, ça me dit un truc déjà. Ouais, ouais. On dit que la mur nous dit que pas juste ans, participer. Ouais. J'ai les chansons mais j'ai pas les noms des gens. C'est Maxence. Maxine Sémilia. Mais c'est trop drôle. C'est Maxine Sémilia. Mais c'était toi. J'ai vraiment dit mais je la connais cette chanson. Bah, aussi. Pareil. J'ai testé votre amitié. Bah on l'avait. C'est ça nous a niqué le cerveau. Si on avait dit. Mais genre, oui, au début j'ai cru que c'était. Attends, je sais plus ce que j'ai. Bref. Très mal écrit. Non. Il en reste une. Je suis désolé, je n'ai pas assumé Chantal Guioa. Mais tu aurais pu. Tu aurais pu. C'est super arrivé. C'est pas grave. J'avais peur que tu le prennes mal. Mais autant que je prenne mal le fait que. On en parle plus. On en parlera en bas tout à l'heure. Et pas publiquement. C'est la dernière chanson. Peut-être dure. Ah ouais. Mais t'inquiète. T'inquiète. On va déguster. T'as des cadeaux. Au pire, on déguste. J'ai les deux, mais j'ai pas le jeu de mots. Ah ouais? Non, t'as peut-être pas le. Il est technique l'instru. Ah non, je l'ai. C'est un dit? Non. Christophe Willayam! Oui! Oh la foire! Toi, tu voulais dire Black Eyed Peas, c'est ça? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Laisse-la en boucle, on continue l'émission. Ah, quel plaisir. Bah du coup, Adrien a gagné. Adrien a gagné. Non, on s'en fiche pas. Mais si. Non. Adrien Menouin. Alors écoutez, c'est la fin de ce Floodcast. On va d'abord passer aux recommandations culturelles avant de se dire au revoir. Je t'ai pas briefé avant, je suis désolé. Mais c'est un classique, toi. C'est un classique, c'est un banger. Ne pas briefer les gens, c'est. Ah oui. Il faut. Si tu as aimé un truc récemment, ça peut être de la musique, du cinéma, une série, un bouquin, peu importe quoi, oui. Tant que c'est culturel et pas forcément un Ou truc récent, un truc que t'as kiffé récemment, tu le partages avec nos auditeurs. On va commencer avec Adrien. Est-ce que tu as quelque chose que Tout tu as envie de partager avec nos auditeurs? Et c'est un truc, j'ai. Jamais, je crois, partager ce genre d'œuvre, oh. puisque c'est un animé. Oh. Et je regarde jamais. L'otakukte. Je suis un weeb, en fait, immédiatement. Non, en gros, c'est un animé, c'est sur Netflix. Il y a deux saisons pour l'instant. Ça s'appelle. Alors, je vais pas me tenter de le dire en japonais parce que je me rappelle même plus du nom. En anglais, c'est Delicious in Dungeon et en français. Beaucoup mieux puisque ça s'appelle Gloutons et Dragons. C'est déjà voilà. Et en gros, c'est un peu inspiré de l'univers de Donjons et Dragons. Et le pitch de départ, c'est un groupe d'aventuriers. Ils sont dans un donjon, donc ils arrivent vraiment au boss de fin du donjon qui est donc un dragon. Et ils se font un peu malmener. Ils sont sur le point de crever. Et il y a la magicienne du groupe qui se fait mangé par le dragon, et juste avant de se faire avaler, elle fait un sort de téléportation à ses amis pour les téléporter à l'entrée du donjon pour les sauver, quoi. Mais elle se fait avaler, quoi. Et en gros, un des aventuriers qui est le frère de la meuf et également les autres disent mais non, mais on va pas la laisser se faire digérer par le dragon comme ça, faut qu'on y retourne. Et on a le temps de la digestion du dragon pour aller la sauver, donc il faut qu'on parte tout de suite. Mais on a perdu toutes nos affaires et on n'a plus rien à bouffer parce que toutes nos réserves de bouffe, on les a utilisées pour arriver jusqu'au dragon. Et du coup, sur ces entrefaites, ils croisent un aventurier dans le donjon qui s'appelle Senshi, qui est mon idole désormais, qui est un nain. Et en gros, il dit, mais vous savez que les créatures qu'on affronte dans les donjons, si on est un bon cuisinier, on peut les manger. Et du coup, il les accompagne dans leur aventure. Donc il y a vraiment un truc d'aventure, vraiment, Donjons et Dragons, Heroic Fantasy et tout machin, avec des vraies intrigues et des persos et tout. Et en même temps, quand il tue des monstres, et ben après, il y a des petites séquences où il les cuisine. Oh, j'adore. Et il y a des mini-recettes de cuisine qui font trop envie. Et en plus, il y a un côté, comme c'est des... Moi, je mange pas de viande, donc j'aurais pu être un peu genre... Mais en même temps, là, c'est un peu des méchants, des monstres qui les attaquent. Donc tu dis, hey, mais hâte bien de se faire bouffer. Et en fait, il y a... c'est trop cool parce que c'est à la fois une aventure et en même temps, les petites séquences de cuisine... C'est un peu marrant, quoi, du coup. C'est un peu marrant, ouais, c'est très marrant. Enfin, moi, je trouve ça marrant. Les personnages... Déjà, rien à quel point... Il y a un personnage qui est une magicienne, pas celle qui s'est fait bouffer, mais l'autre. Il y a un running gag où, en fait, à chaque fois, elle dit « Putain, mais on va pas bouffer ça !» Et à chaque fois, elle le bouffe et elle est dégoûtée parce qu'elle trouve ça trop bon. Et il y a plein de... Bon, raconter comme ça, c'est nul à chier, évidemment. Mais oh, rien que leur réaction... Pour moi, c'est le donjon de Nalbuck, ce que j'entends. Non, mais rien que leur réaction, quand ils mangent le truc et qu'ils se régalent et ils ont des réactions ultra exagérées, c'est hyper marrant. Et bah moi j'adore faire à manger, je joue à Donjons et Dragons, donc en fait les deux ensemble ça me régale. Et je regarde ça en ce moment. Et donc Gloutons et Dragons, voilà le. Génial. J'ai acheté une figurine du mec que je vais sans doute donner parce qu'à chaque fois que j'achète une figurine, au bout de 10 jours je me dis j'aime pas tant. Pas si fan. Je les mets dans un tiroir. Tu regardes en VO? Au début je regardais en anglais et après je me suis dit mais attends je vais tenter de le regarder en VF et la VF est très bien. Ah d'accord, ok. Donc je le regarde en français et en termes d'animation on sent que c'est pas un énorme studio, c'est-à-dire qu'on voit des fois c'est beaucoup d'images fixes, des trucs où ils ont pas forcément les moyens de faire de l'animation tout le temps, mais je trouve que ils gèrent très bien le manque de budget. Ça reste quand même toujours dynamique et tu ressens pas trop le manque d'argent. C'est assez réalisé de façon assez astucieuse pour que tu te dises tu t'ennuies jamais, c'est rythmé, c'est cool et tout. Donc c'est super. J'ai pas vu la saison 2, peut-être que ça change, mais en tout cas là je suis en train de regarder la saison 1 et j'adore. Peut-être qu'ils font que des boissons dans la 2. Peut-être. et ce qui est marrant, c'est que chaque épisode c'est le nom du plat qu'ils vont faire, quoi. Ah, c'est bien ça. Il y a un épisode qui s'appelle Snack et Sorbet. Voilà. Et il l'a très bien vendu. Il l'a bien vendu. C'est très réconfortant. Très bien. Maxence, J'en ai deux. Vas-y, régale-nous. Emilia Pérez. Ok. De Audiard. J'ai trouvé ça fantastique. Super film. Fou de modernité, d'inventivité, sachant que Audiard a 70 ans. Ouais. Les images sont folles, la thématique est folle. Ouais. Les comédiennes sont incroyables. C'est trop bien aussi de se dire, c'est quasi que des comédiennes. Ouais. Qui ont en plus eu des prix pour leur interprétation. Et il est plus dispo, je pense. Hein, non, mais il est un peu dans des derniers. S'il y a des salles un peu. C'est fou. Après, il va sûrement pour le coup recevoir plein de récompenses. On parlait de cérémonie tout à l'heure, donc je pense qu'il ressortira. Je crois qu'il y a le festival Télérama. Ouais. Il y a des petits trucs comme ça où ça ressort. Je sais qu'il est au Brady aussi en ce moment, qui est un peu le ciné de Paris, qui diffuse les films plus tard. Mm-hmm. Et s'il est plus trop au ciné, c'est qu'il va être bientôt en VOD. Oui, je pense. J'ai regardé quand ça peut être rebutant, le côté comédie musicale, je peux entendre, mais en fait, c'est tellement bien construit. J'ai entendu qu'Audiard l'avait d'abord imaginé comme un opéra. D'accord. C'est issu d'un livre, il l'avait imaginé comme un opéra. Puis après, il s'est dit. En fait, il écrivait le scénario. Et ensuite, c'était les musiciens qui. Enfin, le chef d'orchestre qui composait à côté. Et apparemment, il y avait une sorte de résidence comme ça. Au final, ils se sont dit autant le mettre en image. Apparemment, c'est passé comme ça dans le processus. Et la comédie musicale est composée par Camille. Exactement. Donc, si vous avez la musique de la chanteuse Camille. Et son compagnon, ouais. Exactement. Ce sera en VOD à partir du 19 décembre. Donc, pas tout de suite, mais. Dans pas si longtemps. Dans non pas plus, si longtemps. Dans pas si longtemps. Clac. Non plus. Et tout a été tourné en studio à Bry-sur-Marne. Ouais, et c'est ça, fou. C'est fou. Ouais, c'est fou. Aucun un plan au Mexique, paraît-il. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et deuxième petite reco, c'est un livre. Alors je me remets doucement à la lecture et on m'en a conseillé un très court. Si ça, à nouveau, ça peut rebuter des gens, qui s'appelle L'amour de François Bégodeau. Ok. Pardon, excuse-moi. C'est génial. Ça traite de. Je pense que ça peut te toucher, vous toucher, mais Florent particulièrement aussi, je le sais, parce que ça traite. Parle de Jurassic Park. Oui. Ouais. Ça parle de Sam Raimi. Non, ça parle de l'amour simple d'un couple. D'un village français dans les années 70 et de leur adolescence à la fin. Okay. Et c'est d'une écriture, mais comme s'ils décrivaient vraiment ce qu'ils voyaient. Enfin, je sais pas, l'écriture, elle est folle et d'une simplicité. Il y a un style assez fou. Et vraiment, première fois de ma vie que je pleure en finissant un livre. Vraiment. Oh, donc, pas mal. Jamais eu ça, moi. Ah, mais je te jure. Enfin, du coup, ça m'a tellement touché. Ça se lit, mais en une vitesse folle. Ok. 2 minutes. Ah ouais, c'est ouais. Ah, mais c'est très court, non? Ouais, ouais. Ah oui. 2 minutes. Tu fais du speed reading, toi. Tu fais du speed reading, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est il ouvre le bail, ils sont amoureux. Oh putain, le chial. Non, c'est là-haut pour moi. Non, non, c'est, voilà, 60 pages à okay. peu près. Et, 60 pages? Ouais. Ah ouais, c'est très court. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est un roman, ouais. Mais c'est beau, quoi. C'est simple. Mais c'est bien pour moi. Parce que ouais. moi, je mon défi de cet été était, je vais lire un livre. J'ai échoué, j'ai même pas commencé. Donc, ah ouais. Parce que je cherche un livre court, donc pourquoi pas, tu vois. Franchement, je t'encourage vivement. Et peut-être qu'il finira dans ta poubelle. Je vais peut-être te l'offrir à Noël. Du coup, j'espère. Dans ma poubelle? Le non, chien, tu l'as offert. Petite référence. Ah, ouais, je tentais une vanne. Ah, non, ouais. Non, mais elle, ouais. Si, elle était bien. Okay. Non, mais ok, bah, je t'encourage vivement. Et, Donc, c'est François Bégodeau. Ouais. Ok. Je crois qu'il a eu un prix, je ne sais plus lequel. Écoute, y a pas besoin, si t'as aimé, il n'y a pas besoin de prix, mon pote. Ouais, c'est ça. Donc, mais tu vois, le prix, ça m'a. Le Maxou bon, d'or. Bien. Il a eu le Maxou d'or pour moi. Exactement. De Christine Bravo d'or. Yoa. Et ben moi, je pense que je vais recommander une amie à moi, chanteuse, dont je suis trop fan de la musique. Et avec qui j'ai eu la chance de bosser sur des chansons qui seront sur mon premier album. Et c'est une artiste qui s'appelle Gigi, ça s'écrit G-E-A-G-E-A. Elle vient de commencer à sortir des morceaux. Et c'est vraiment... on parlait de The Do tout à l'heure, ça, elle a une influence de chansons, donc elle chante en anglais. C'est vraiment de la super belle pop, hyper recherchée, influencée aussi par le rock. Il y a des très belles batteries, des belles guitares, des trop belles textures de synthé. Elle travaille avec du synthé modulaire pour avoir des sons vraiment texturés particuliers. Elle écrit tellement bien, elle chante super bien. Et en fait, avant, elle était dans un groupe qui s'appelait La Savès. Qui... Okay, ouais. Ouais, et, okay, c'est, et elle est vraiment... c'est quelqu'un que j'adore et dont je suis trop trop fan de la musique et j'ai trop de chance parce qu'elle va faire elle va ouvrir mon Trianon la semaine prochaine et trop je suis bien. Trop trop trop trop fière de l'avoir avec moi parce que c'est sa musique est vraiment très très belle et aussi ça aborde des thèmes enfin elle parle d'amour mais pas comme tout le monde, elle parle beaucoup de remise en question de rapport à soi. La chanson que je recommande beaucoup en ce moment, c'est une chanson qui s'appelle I Break Things et c'est trop beau. Voilà. Trop bien. Je la recommande. Oui. Tu l'as très bien vendu. Ouais. Ah bah, c'est sûr. Elle mérite. Tu m'as eu à synthé modulaire. ça se stream, c'est sur YouTube, c'est partout. C'est partout. Vous pouvez trouver ça. C'est partout. Ok, génial. Eh bien, quant à moi, je vais vous conseiller un livre. Qui fait 400 pages, t'imagines un peu. Mais en même temps, je peux te choper. Épisode d'Intello, là. Ouais. Deux livres. Bon, alors, tu vas voir. Moi, j'ai recommandé un dessin animé à mon grand âge. Alors, tu vas voir le bouquin. C'est la série racontée par les créateurs de The Office. Ah. Capricci a traduit. C'est un livre qui existe depuis déjà pas mal d'années. C'est un livre qui est. Alors, ça dit que c'est écrit par. C'est pas vraiment écrit par parce que c'est des un oral story. Ouais. Alors, l'oral story, moi, c'est ma forme préférée. C'est-à-dire. C'est quoi ? Justement, en gros, tu prends tous les gens qui ont travaillé sur un projet et en gros, tu croisent leurs interviews, mais c'est vraiment des fois juste trois lignes de Peu comme un documentaire mais à l'écrit, quoi. Exactement, c'est très bien résumé. Là par exemple dans The Office, t'as trois lignes de Steve Carell qui dit bah en fait mon personnage on m'a dit ça, et ensuite un des auteurs dit nous on a eu cette idée machin, un auteur a dit bah nous quand on dirige Steve Carell ça fait ça, et en gros voilà, et ça nourrit le récit comme ça. Donc c'est entre guillemets écrit par Brian Baumgartner qui est le mec qui joue Kevin. Oui. Voilà. C'est un peu un taf de qui monteur. A un podcast ouais. sur The Office d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Et Ben Silverman qui lui est le producteur de The Office, qui est un producteur historique puisqu'il a aussi produit 30 Rock. Enfin, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien à la sitcom marrante début 2000. Et donc voilà, ça s'appelle The Office, la série racontée par ses créateurs. Comme je vous dis, ça existe depuis pas mal de temps, mais c'est dispo depuis ça sera dispo cette semaine. C'est Capricci qui édite ça. Capricci qui édite vraiment plein de bouquins super cool sur le cinéma. C'est eux qui avaient fait aussi. Ils avaient traduit le bouquin de Judd Apatow. Enfin voilà, ils font toujours un joli travail là-dessus. Et donc si vous aimez The Office, c'est vraiment les coulisses du début à la fin. C'est vraiment, tu peux pas faire plus complet. Tous les acteurs, ils ont eu tout le monde, hein. T'as tout le casting, t'as tous les auteurs, tous les réals. Chacun parle de son expérience, quand ils ont découvert la version anglaise jusqu'au dernier épisode qui a été tourné. C'est très complet, c'est aussi un petit peu ludique. T'as des petits paragraphes à droite, à gauche, des fois, qui expliquent un peu qui est qui. Bref, c'est vachement bien. Donc, ça s'appelle The Office raconté par ses créateurs et c'est dispo partout, librairie, Fnac, tout ça. Et c'est vraiment 400 pages. 400 pages. Mais tu peux te picorer. Ça sera un nom pour moi. Mais tu peux picorer, tu dis tiens, j'ai envie de m'intéresser à l'écriture de The Office. Ouais, et bah t'as le chapitre écriture et donc tu t'intéresses qu'à ça, tu vois. Moi je l'ai pas lu en entier. Au bout d'un moment, j'étais genre oui bon en fait. C'est bon, tu vois. Mais il y a des moments. Je le trouve pas en livre audio en tout cas. Ah bah non. En français, je pense. Peut-être en anglais. Non, mais non. Non plus. Peut-être en allemand. Je vais faire toutes les langues. Ah oui. Je peux le faire, moi. Das Office. Si je trouve un jeu de mots, je peux le faire. Bah écoutez. Office merci. Reading. Oh. Bah, merci beaucoup. Bah oui, mais lui, pour lui, c'est un Long morceau, alors. Merci beaucoup. Trop bien. C'était un super épisode. Ah ouais. Merci beaucoup. Yoa, tu es en tournée dans vraiment toute la France. Faut aller sur ton Instagram, Yoa Musique. Oui, complètement. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un très beau visuel où voilà, tu montres partout où oui, tu es. Oui. Tu ne chômes pas. Voilà, tu seras partout. Moi, je vais te dire la vérité. J'ai découvert ta musique grâce à Maxence et j'écoute à fond depuis. Je trouve trop ça vraiment bien. Ben, ça fait Les trop paroles plaisir. Sont magnifiques. La musique est très jolie. Vraiment, je vous invite à écouter ça. T'as pas besoin de notre promo, mais vraiment, n'hésitez pas à aller écouter ce que fait Yoa. Elle est très, très, très forte. Trop gentil. Maxence, un peu pareil. Tournée partout en France. Ouais. Pareil sur ton Instagram, il y a une date tout. En Belgique aussi, une date en Suisse. Oui, c'est vrai. Trianon le 12 avril. Exactement. Et voilà, n'hésitez pas. Je l'ai pas dit aussi pour toi, Yoa, mais c'est évidemment sur Spotify. Exactement. Voilà, sur tout ça, n'hésitez pas à jeter une oreille. Adrien, écoute, ça écrit. Je fais des pickles, pas mal aussi. Ça pickle. Je fais pas ça mal pickle de pickles. Ouais, pickles. J'ai fait pomme pimentée là. Pas mal. Tu vas pouvoir nous faire un petit livre bientôt. Bah, écoute, et pourquoi pas. Oh, attention, pourquoi les recettes du père Méniel. Et ben pourquoi pas. Ouais. Merci beaucoup les amis. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir. Bye. Salut. C'est le mec qui est beau. Le cul d'une pute. Elle arrive derrière. Il déforaille. Lui met un doigt dans le cul. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Bourré, bite branlette, pique, à se bouffer les couilles. Il s'agissait du flot de cast. Pardon.